écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, il voulut écrier en mourant lui sur le bois impas. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en Dieu. Nous voulons en retour bon sauveur, et n'est pas dessus toute autre chose, pour mettre ton amour dans votre âme. Et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en cœur. Amen. Amen. Au-delà, au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir, tu ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime, bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. En effet, il a promis qu'il sera avec nous par son esprit alors qu'il nous quittait la terre. Le Seigneur a promis de nous remettre son esprit par lequel il nous conduira dans toute la vérité. Ce soir encore, la femme dans la sainteté s'incline devant la puissance du Saint-Esprit pour rendre grâce à ce grand Dieu et Sauveur qui est venu dans la chair et mourut pour nos péchés. Alors qu'il expirait à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a dit que tout était accompli. Et il a dit au préalable à ses disciples qu'il était avantageux qu'il s'en aille, car s'il ne s'en va pas, le consolateur ne viendrait pas. Mais s'il va, il nous enverrait. Et nous soupirons chaque jour, attendant que le consolateur nous vienne et console nos cœurs pour nous montrer la patrie céleste. On a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver, et ton seul désir, c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant, sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime, bien plus que tu ne qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables.

un seul endroit. La femme dans la sainteté sur Skype. Vous me contactez en quelque lieu que vous écoutez cette voix, où vous vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localisez. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, ou bien vous envoyez un email, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bamba Iba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrai sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parure interne est cachée. Cette pureté incorruptible qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux, qui est d'un grand prix devant Dieu, est l'objet même de ce forum afin que toi, femme, tu sois conforme à cette réclamée dans Proverbe chapitre 31, verset 10. Plusieurs articulations dont vont faire montre dans ce forum la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions de femme, comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle. Comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu? Mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi. L'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour. La relation avec les beaux-parents, aux fous et aux moulins. Les jeunes filles et leur virginité. Véritable défi dans un monde pervers et adultère. Relation avec les collègues, avec les familles. Ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement, la distraction et une marche chrétienne. Une femme folle de Jésus, les jeunes filles ou les jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec des jeunes garçons qui désirent les draguer. Les rapports sexuels que je ne dois plus faire. Les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es. Que faire, etc. Femme violée, femme qui ayant avorté. Comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels meublerons ces échanges. Et puis, nous aurons certainement des témoignages. Et vous allez témoigner des prières pour chacune de vous. Depuis votre foyer, votre travail, les maladies que vous rongent, les sujets de votre cœur, en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêt? A dit aux puissances des ténèbres, je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome. Au nom de Jésus, bonsoir et bienvenue. Voilà, voilà, voilà. La sœur Suzanne Cloudon, bonsoir. La sœur Suzanne Cloudon, bonsoir. Son micro est fermé. La sœur Aceto Adère, bonsoir et bienvenue, qui vient de te connecter. La sœur Hélène Chibi, bonsoir. La sœur Suzanne Solange Kana, ma bien-aimée sœur, bonsoir. Bonsoir mon frère. Maman, bonsoir ma sœur. Bonsoir à Marisa. Bonsoir à la sœur Alida Kofi. Bonsoir. Vous suivez dans cet extrait-là, il est dit là, mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis. Voici pourquoi, faites attention, n'ajoutez pas des gens dans ces forums sans que je dis, envoyez, créez le compte Skype, envoyez-moi, je vous y joindrai. De façon spécifique, il y a un travail à faire avec vous dans ce délicat. Il ne voudrait pas que vous amenez quelqu'un ici pour que la personne pêche pour rien. Parce qu'il se pourrait que quelqu'un vienne et qu'il écoute quelque chose, ça lui plaît, et la prochaine chose ne lui plaît pas. Il faut que cette personne-ci ait suivi de façon méthodique ce que nous avons fait dès le départ. Il faut que la personne en entrant, qu'il n'y entre pas par émotion, parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un vienne porter la peine de péché ici. Alors donc faites attention, ne mettez pas quelqu'un là-dedans. Dites à quelqu'un, si la personne veut être connectée, elle m'envoie son email, son Skype, je vais lui poser des questions. Si elle est d'accord, fait qu'on la mette, on la mette. Il ne faudrait pas que quelqu'un écoute un enseignement et coupe pourquoi on la mette là-dedans. D'accord, mes soeurs bien-aimées. Donc n'ajoutez personne. Et si vous voulez ajouter quelqu'un là-dedans, faites de telles enseignes que ce soit valable pour les autres groupes, les personnes qui sont nouvelles, que ce soit les personnes qui ont écouté les enseignements qu'on a fait dans ces groupes-là progressivement. Parce que ce travail progressif qu'on est en train de faire, vous ne pouvez pas brûler les étapes. On ne peut pas brûler les étapes. Donc, souvenez-vous de cela. Bonsoir à la sœur. La sœur Albertine Abogomba, bonsoir. Vous êtes nombreux ce soir, vous êtes près de 43. Je crois que c'est comme ça, dit bonsoir à 43 fois à chaque façon, 2 minutes, on aura 80 minutes ici de dire bonsoir. Alors, vous allez me permettre de dire bonsoir à la sœur Bertine, la sœur Alice, bonsoir à toi, bonsoir à la sœur Ami Avocat, la sœur Camille Adama Bonfo, bonsoir. La sœur Audrey Simo, bonsoir. La sœur Sandra Kazemi, bonsoir. La sœur Carole Châtel, bonsoir. La sœur Cathy Tsafa, bonsoir. La sœur Charlotte Mbachu, bonsoir. La sœur Claire Tenken, bonsoir. La sœur Cyril Gladys, bonsoir. La sœur Delarose Nguima, bonsoir. La sœur Florie Carada, bonsoir. La sœur Georgette Eclé, bonsoir. La sœur Hélène, enfin, il y a deux Hélène, les Hélène avec S, bonsoir. La sœur Julie Gabo, bonsoir. La sœur Kéline Dalle, bonsoir. La sœur Kitia, bonsoir. La sœur Laetitia Mambou, bonsoir. La sœur Laura, bonsoir. La sœur Maman Elsa, bonsoir. Marie-France Sophie de 97 Boulevard d'Avou, bonsoir. Marie-Janvier Kamagate, bonsoir. La sœur bonsoir. Merveille de Tchate, bonsoir. Missy Bakoufi, bonsoir. Missy Bakoufi, bonsoir. Monique, bonsoir. Nafissa Lache, bonsoir. La sœur Natoucha, bonsoir. Odile Sane, bonsoir. Ne dites pas bonsoir, je vous connais. Odile Sane, bonsoir. La sœur Christine d'Abidjan, bonsoir. La sœur Rizine Apogo, bonsoir. La sœur Rizine Kamden, bonsoir. La sœur Sandrine Noudou, bonsoir. La sœur Suzanne, bon, les deux Suzanne avec SSC, bonsoir. Victoire Marceline, bonsoir. Et j'ai fait le tour. Bonsoir à toutes les femmes dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Installez-vous maintenant. On va commencer. D'accord, mes sœurs? L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Je crois que les deux prochains jours, deux derniers jours ont été bons pour vous. Le Seigneur a été miséricordieux envers vous. Parlant de miséricorde, je crois que ça, c'est une miséricorde pour le cadre du foyer de notre bien-aimée sœur Hélène, parce que cette chose-ci, si ce n'est pas révélé, et puis dans quelques jours, bien quelques semaines, vous voyez, on commence à crier dans la maison en disant qu'est-ce qui est arrivé, voici quelque chose qui est arrivé. Je crois que cette voix-ci sera entendue ce soir, cette direction-ci, parce que ça, il faut que ça soit vite démantelé. Alors, les sœurs, la dernière fois, nous avions vu le démon sexuel, quelque chose comme ça. Le Saint-Esprit nous y a conduit. Je crois que vous voudriez que nous voyons maintenant, nous continuons, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Je crois que la sœur Marie-France, la sœur Marie-France est là et son micro est bien. Merci la sœur Hélène, merci à la sœur Hélène pour ta discrétion. Merci pour tout ce que tu fais, d'accord? Voilà. Alors, au Vatican, il y a cela deux ou trois jours, une deuxième plainte contre l'ambassadeur du Vatican en France a été déposée auprès du tribunal pour attouchement sexuel du cardinal, l'ambassadeur du Vatican, là, le cardinal qui représente non seulement l'État du Vatican, mais également qui commande les archevêques dans toute la France. Ceci fait état des deux agressions sexuelles de cette imminente personnalité contre cette imminente personnalité des gens d'une mairie de Paris qui travaillent, des employés de Paris qui lors des prestations de serment ou bien des cérémonies de vœux, un homme aurait touché les fesses d'un des employés là-bas par deux reprises et deux personnes déposées contre lui. Entre temps, l'archevêque de New York a été défroqué après plus de 50 ou 60 ans de service des choses qui lui ont été reprochées dans la ville de New York dans les années, il sera plus d'un demi-siècle maintenant. C'est maintenant qu'il a été déposé de son titre de cardinal. Un homme de 87 ans qui a été déposé au moins de la justice à cause des attouchements sexuels. Les journaux disent que le pape François a rendu à l'état laïque l'ex-cardinal américain Théodore McCarrick, a indiqué samedi un communiqué du Vatican. Il est accusé d'abus sexuels sur au moins un adolescent il y a plus d'un demi-siècle. Ça fait 50 ans que cela dure. Le monsieur a plus de 50 ans. Il a 88 ans pour être précis. Ce monsieur ayant été traduit et accusé le 16 février dernier, on accuse de quelque chose qui est resté à 50 ans. Donc ça suppose que la personne à qui ce qu'il a touché avait 5 ans à l'époque, maintenant il a 55 ans. S'il avait 15 ans maintenant, la personne aura 60 ans. Voilà comment les gens sont de vivre. Et vous voyez effectivement que ces remous ménages des attouchements sexuels, des scandales sexuels, de la pédophilie et toutes les autres choses sont de laisser tourner contre l'église catholique. Et le pape François qui est là maintenant, tant bien que mal, tente de démystifier les choses, mais le ver a déjà croqué tout le fruit est gâté. comment vous doit-il faire? Parler des scandales sexuels, c'est de ça que nous traitions dans les deux dernières séances, enfin la dernière séance et la première et la deuxième partie. Et maintenant, nous continuons encore ce soir pour parler de ces choses où le Saint-Esprit nous y a conduit. Je crois bien que nous parlions de ces. En fin avec les démons sexuels dans le passé. Est-ce que la sœur Kétia ici, la sœur Kétia est connectée, je ne la vois pas sur mon moniteur. Oui, je suis là, mon frère. Bonsoir, ma bien-aimée, comment tu vas ce soir? Bonsoir. Le Seigneur fait grâce. Bon, les personnes du groupe de la force de la sainteté, pardon, étaient témoins. J'étais secouée, oui. Si on peut dire. Oui. Voilà, j'étais secouée. Je ne sais même pas expliquer. En fait, au début, je me sentais pas bien. Et puis la chaleur est venue, ça s'est propagé. Au début, c'était le dos, je crois. Ça a commencé avec le dos, puis la poitrine, puis au niveau des jambes. Ah, et puis j'étais dans un état de, si je peux dire, de transe. Je sentais même plus mon corps. Mon corps était bloqué. Ça c'était quand? C'était tout à l'heure. Waouh! Tout à l'heure. Donc la chaleur est encore sur toi. Oui, c'est encore là. Là, c'est en train de monter. Oui. C'est encore là. Donc, voilà. Nos âmes seront restaurées. Regarde, écoutez le mot restaurer. D'accord? Les âmes seront restaurées. On va prendre encore qui ce soir. La dernière fois, j'ai appelé la sœur Natoucha. Est-ce qu'elle est là? Et la sœur Alice. Si ma mémoire est bonne. Donc, oui, frère, je suis là. Je m'excuse, je viens toujours des embouteillages. C'est pas évident avec des conduits dans cette vie. Je viens toujours. Également là. Je m'assois. Ok, donc on commence par qui? Maintenant, on commence par la sœur Alice. La sœur Alice, rebonsoir. Bonsoir. À tous. Comment tu vas? Un peu malade, mais bon, ça va. Oui, ça va aller. Je ne sais pas si ta caméra est mise, mais je vois juste la photo de ton côté. Non, je n'ai pas mis parce que je suis avec la petite là, en fait. Ok, bon, souviens-toi, si il arrive qu'elle déclenche les cris de guerre là-bas, maintenant tu fermes directement le micro pour en subir seul, d'accord, ma soeur? Ok. Comment va ton chef? Il va bien. Dis-lui un bonsoir de ma part, d'accord? Est-ce que tu l'appelles chef? Non. Ou mieux encore, est-ce que tu le considères comme ton chef véritablement? Oui. Et il est content de cet état de fait, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Et là, ça change beaucoup de choses, n'est-ce pas? Exactement. Ne t'inquiète pas donc. Dis à ton mari est-ce que c'est une vibrante invitation que j'ai fait comme ça solennellement. Lorsque ce sera programmé de travailler avec les hommes, il faudrait également qu'il y soit connecté, d'accord? D'accord. Il faut que l'harmonie soit dans les deux sens, que le travail soit fait dans les deux sens. Maintenant, je te pose la question. La dernière fois, pendant qu'on était en train de prier, je ne sais pas pour quelle personne, des personnes qui avaient été, pour qui le Seigneur donnait la prière la dernière fois. Je crois qu'il y a aussi la sœur Alida Kofi qui avait appelé à ce jour-là. Il t'a été fait appel. Et puis, pendant qu'on faisait appel, je sentais quelque chose dans ta direction. Peux-tu nous dire de quoi est la question? Parce que c'est des choses dont nous parlions. Je parle dans ce sens-là. Si tu voudrais bien parler. Oui, j'étais également victime de cela quand j'étais petite. Ça a commencé même très très tôt. C'est vrai que c'est vraiment la première fois que je parle de ça ça, parce que bon, ma soeur, allons-y doucement, d'accord? S'il arrive que tu trouves que c'est délicat, il faut trouver le langage pour bien le dire, si ça ne te dérange pas. Mais le but ici, je vous appelle, vous ne m'avez pas parlé de ces choses-là, je vous appelle selon que le Saint-Esprit me dirige dans cette direction-là, d'accord? Donc si tu trouves que ça peut créer un quoi, sache comment tu vas diriger cela, d'accord? Mais le but, c'est de dénoncer les puissances des ténèbres, d'accord, ma soeur? D'accord. Voilà, vas-y, tu as la parole. Ouais, bon, ça va être même une surprise parce que maintenant ma mère commence à suivre ça, donc ça va être un peu bizarre. Parce que, bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai été victime de cela vraiment quand très très tôt, parce que ça a été des cousins, oui. Et j'ai aussi eu des voisins. Voilà. Donc, quand de mémoire, la première fois, ou je sais pas quand c'était la première fois, mais je sais une fois que quand j'avais peut-être 5-6 ans, un voisin de l'âge de mon grand frère, voilà, voilà, il m'avait été, j'avais été attirée par des bonbons et que je devais, je crois, recevoir ou voilà, en acheter, je sais plus trop quoi, parce que ça fait très très longtemps, je me rappelle là, plus. Tu avais quel âge? Je devais avoir 5-6 ans, hein, tout au plus, hein. Tout au plus. Tout au plus. Mmh. Et c'était un peu ça. Et par la suite aussi des cousins quand ils venaient en vacances à la maison. Et une fois quand j'étais allée en vacances également chez ma tante, ça je me rappelle un peu plus parce que mon cousin, par exemple, comme on avait un peu peur dans le noir, bon, j'avais un peu peur dans le noir, et il faisait croire que, bon, je voulais pas dormir devant, en fait, parce qu'on nous avait tous mis, en fait, sur le même lit. Je voulais pas dormir devant parce que j'avais peur. Mmh. Et il faisait le chantage comme quoi, non, je veux dormir devant. J'ai dit que non, je veux pas, j'ai peur. Et il dit que, bon, toi, si tu veux pas dormir devant, dans ce cas, tu te couches à côté de moi. Et quand j'étais accouchée à côté de lui, et pendant la nuit, il avait des attouchements, il me touchait. Je voulais pas, il me disait, voilà, si tu veux pas, dans ce cas, tu vas dormir devant, et comme ça, voilà, tu vas voir. Et que j'avais peur des, on disait, voilà, des fantômes, tout ça, qu'il m'avait t'attraper, bon, bref. Donc, c'était un peu ce moyen qu'il usait, en fait. Et pendant aussi ces vacances-là, il y avait tellement de trucs qui se sont passés. C'était vraiment aussi à découvrir. Il y avait un voisin à eux quand il recevait sa copine, ils avaient fait une espèce de trou dans sa maison pour pouvoir les observer. Donc voilà, ils nous invitaient également à regarder avec ses petits frères, sa petite sœur aussi. Donc c'était vraiment. À regarder après, quoi, ma sœur? À regarder quoi au travers de ces trous-là? À regarder leur voisin avec son ami, avoir des rapports, en fait. Mmh. Voilà. Et je sais également qu'une fois quand je jouais, maintenant que ça me revient, vraiment, c'est des trucs que moi j'avais complètement oublié, qu'une fois quand on jouait, c'est quoi bien, c'était à cache-cache, des trucs comme ça, je me suis retrouvée avec un garçon de leur quartier aussi qui a essayé, bon, j'ai refusé tout ça, mais il me forçait à chaque fois de me retrouver, il voulait à chaque fois se retrouver avec moi, et voilà. Mais au-delà de tout ça, même le pire même dans cela, c'était une fois je m'étais retrouvée pendant les vacances chez ma tante, et je crois que c'était sur RTL. Et il passait des heures tardives, des films pour adultes. Et des fois, quand on dormait, elle nous réveillait. Ma tante nous invitait à venir voir ça avec ses enfants et tout. Donc, et la tante était déjà grande. La tante de la maison. Mais c'était une maman. Elle pouvait être ma mère parce que mes cousines, certaines étaient plus âgées que moi. Plusieurs étaient même plus âgées que moi. Mais c'est terrible, ça. Et quel était l'impact de cela? Ah oui, l'impact était grave parce que après, quand tu grandis, tu te poses des questions à savoir comment ça se passe. Tu es plus ou moins attiré, tu veux en savoir plus sur la chose. Après, maintenant, en France, là aussi, j'avais au lycée. Particulièrement une amie et tout, bon, qui a été un peu sexuellement active et tout, et qui nous racontait, qui me racontait en fait ce qu'elle faisait et tout. Donc ça fait que ça avait encore ouvert mon esprit vis-à-vis de cela, et je voulais en fait connaître cela, découvrir ces sensations-là qu'elle me parle, qu'elle me dit à chaque fois qu'elle rencontre et tout. Et voilà, et une fois elle me disait qu'il y avait une autre amie à elle qui l'incitait à, qui lui avait proposé d'avoir de regarder ce genre de films ensemble et pourquoi pas essayer ensemble. J'ai dit que ok, moi sur le coup j'avais trouvé ça choquant, mais un jour je me suis dit mais attends, c'est pas, ça peut se faire, je veux dire, c'est possible et tout. Et j'essaie aussi, maintenant que j'y pense vraiment, désolé, je suis un peu embrouillée parce que c'est des souvenirs très très lointains que j'avais, vraiment je pensais avoir terminé avec ça. Et là, je découvre que bon, c'est... Et la dernière fois, quand nous avions commencé à parler, quelle était ta réaction subitement quand tu as entendu ce thème-là et que le Saint-Esprit commençait à se déployer? Bon, c'est, tu te dis que oh, c'est, j'ai, tu penses que ah, mais j'ai été victime de ça aussi. C'est ça en fait. C'est dans les trucs, mais attends, je connais ce sujet. Donc. Et pour ton cas, pourquoi n'as-tu pas dit à tes parents à ce moment-là, vu que tu avais l'opportunité de leur en parler? Ben, il y a aussi la peur, parce que bon, c'est pas un sujet qu'on aborde facilement comme ça avec ses parents. Hein, donc, j'ai même avec mes frères et soeurs, j'ai jamais parlé de ça. Voilà, c'est pas un truc que tu parles qu'on est à l'aise, je veux dire. Oui. Même jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment la première fois que je parle de ça comme ça en fait. Et quel est l'impact, quels sont les impacts de ces choses là que tu viens de déployer maintenant sur ta personne, sur ta psychologie? Il y a plusieurs, hein, je veux dire. Ou bien quel impact ça a eu sur ta vie, des couples, sur ta vie sexuelle, ainsi de suite, au fur et à mesure? Quelle influence, disons, c'est comme ça? En fait, je suis un peu renfermée, je suis timide en fait. Je suis un peu renfermée en fait. C'est difficile en fait, c'est un peu difficile de parler parce que pour trouver les bons mots, il faut. Ouais. Voilà, et j'ai déjà des difficultés avec le témoignage. Ouais. Et là, c'est vraiment une première. Vu que la famille s'est également engagée, la maman, voilà, tout le monde s'est engagé dans les cours des enseignements maintenant, c'était le cas. Voilà. La belle-sœur, il y a plein de monde. Un clin d'œil à maman, que si elle nous écoute, un clin d'œil à maman, on va se rencontrer, quand on commence à se rencontrer en Italie. Et on va en parler aussi. Ma soeur, merci déjà parce que c'est l'enfant qui dérange comme ça, n'est-ce pas? L'enfant dit que tu arrêtes. D'accord? Oui, voilà. Mais le sujet de prier de la dernière fois, que tout esprit impur qui soit entré par le biais des rapports sexuels, que ça quitte. Parce que le but ici, c'est de réparer les âmes. Sinon, tôt ou tard, même dans le couple, ces choses sexuelles-ci viennent influencer. Et parlant de l'influence, merci ma soeur, parlant de l'influence dans le couple, la soeur, où est la soeur Alida Kofi? Je crois que il y a oui, j'arrive à toi là, merci parce que je parle de l'influence dans le couple et puis je suis venu vers toi là. Je crois que c'est pas comme ça qu'on doit procéder. Vous êtes plus de 40 ici. Si vous continuez comme ça, vous allez me fatiguer parce que ça fatigue le corps. Je préfère maintenant que les gens, parce qu'il y a des gens qui sont là dans le cœur, ils sont des prières, seulement que pardon, ne me désigne pas, n'essaie même pas de me désigner. Donc je crois que je vais laisser maintenant la liberté si quelqu'un veut parler. Maintenant, la soeur Alida Kofi, je parlais de l'influence. Si ces choses-ci ne sont pas dénoncées et arrangées, même dans le couple, même si quelqu'un dit qu'il se marie pour fuir ces choses-là, dans le couple, ça te poursuit. Et il y a des impacts négatifs. La soeur Alida Kofi, j'ai essayé tant bien que mal de te guérir. Pourquoi tu ne dis pas que tu ne crois pas la direction dans laquelle je suis en train de parler? Tu m'as bien saisi? Oui. Dis-nous. Tu veux bien parler? Oui. C'est très rare que tu parles, hein, parce que c'est le jour où tu parles de ces sujets-là, courage vraiment. Je pense que j'ai déjà parlé à peu près de ça avec les seules fois ici. Vous en avez parlé? Si. Ok. À propos des choses, comment on appelle ça, plus ou moins de la masturbation, non? Donc quand je ne suis pas là comme ça, vous faites de bons enseignements comme ça, vous ne me dites même pas. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que j'ai le flash d'une petite fille qui était au village. Elle était au village avec son cousin. Ils se sont retrouvés dans la brousse. Bon, disons, le village là derrière, il y a la brousse et tout. Et tout. On s'est retrouvés là-bas. Et la petite fille, je dis la petite fille, vous savez de quoi je parle. La petite fille dit à son cousin, on a qu'à coucher ensemble. À quel âge là, ma soeur? Je ne peux pas te dire, mais c'était la petite, elle était très petite. En tout cas, elle était très petite, je ne sais pas. Je suis là, il y a des fois, ça me vient dans la tête, je me dis, mais je ne comprends rien. Comme ça, ils ont commencé, il n'y a pas eu d'accouchement, mais ils ont essayé d'imiter, non, d'imiter, ça ne va pas, elle se couche, elle se lève, elle fait ici, elle tourne ici, elle se lève, et à la fin, ils sont partis. Et quand la petite a grandi, elle a commencé. La salle est là. Là, tu parles de qui et quelle était ta position? La petite. C'est la petite. La petite. Oui. Ok. Comme ça, tout le monde sait de quoi il s'agit. Parce que, comme il y a. La petite. Donc, la petite a grandi. Elle a commencé maintenant elle-même, elle seule, toute seule, toute seule. Je ne sais pas comment et à quel âge ça a commencé, mais la petite, toute seule, a commencé à s'auto-satisfaire. Toute seule. Donc, on peut dire que ces choses qu'elle a eues dès le départ a eu un impact sur sa vie, de telle enseigne qu'elle a commencé, c'est là que la petite. On met ça entre guillemets, oui. Donc comme voilà. chacun a son langage ici. La petite. Donc. La dernière fois, on a lu le livre. Après, vous allez dire que c'est moi qui parle en parabole. Où on parlait des filles, des choses, comment elles s'appellent là? Des jobs. De Lot, oui. C'est pareil. Cette petite, déjà, physiquement, elle était vierge. Oui. Mais spirituellement, c'était pas ça. Elle n'était pas du tout. Elle pouvait faire tout ce qu'on ne pouvait pas imaginer, mais dans sa tranquillité, dans sa timidité, on ne peut pas imaginer ce qu'elle pratique toute seule. De l'extérieur, les gens la voyaient sérieuse, mais c'est elle seule qui savait ce qu'elle fait dans l'obscurité. Lorsqu'elle se retire seule dans un coin, n'est-ce pas? Seule dans la maison, tout ce qu'elle faisait, c'est elle qui savait. Ouais. Jusqu'au point où un jour, elle prend son petit frère, son propre petit frère. Courage, là, comment ça? Parle. Si tu veux parler, parle. Si tu veux t'arrêter à tout moment, arrête. Son petit frère dort. Il dormait. Nous devons dénoncer les puissances des ténèbres. Parce que ce sont les choses, souvenez-vous, si vous avez déjà vu la porcherie, vous voyez la porcherie, lorsque le porc est dans des environnements. Regardez la façon dont la boue est, c'est exactement comme ça les âmes sont lorsque ces choses sont dans nos âmes. Il faut que ça soit restauré. Courage, ma chère soeur, courage. Et tellement, à cette époque, tellement elle était pris dans ces choses, elle a voulu essayer avec son petit frère. Elle a déjà bien, il dormait. Elle a commencé à prendre ses parties intimes, a commencé à se frotter avec. Arrivé un moment là, il peut l'arrêter. Et puis, bon, c'est arrêté comme ça, mais elle a continué, elle seule, jusqu'à ce que maintenant, plus tard, vers l'âge de 18 ans, elle a commencé à sortir maintenant avec les hommes là, mais c'était un homme passé, un homme. Mais la satisfaction, elle n'avait pas. Si ce n'était pas quand elle était seule, elle faisait toute seule, elle était satisfaite avec les hommes. Donc la petite fille, finalement, ne se plaisait qu'à la masturbation. Voilà. De telle enceinte qu'aucun homme ne pourrait procurer le plaisir. Non. C'est ainsi, effectivement, que beaucoup se marient et fuient même si le domaine à l'extérieur, mais à l'intérieur, ne peuvent pas être satisfaisants avec le mari. Beaucoup, ça amène la frigidité. Pendant que vous êtes en train de parler, je t'en écris ici sur la frigidité. On va prier pour les femmes qui sont frigides. Il y a des femmes qui ne parviennent pas justement à. Bon, de toute façon, on va prier pour ces cas-là. Et lorsqu'on va parler des cas des hommes, on va toucher ces choses-là aussi. Lorsque nous allons résoudre ces problèmes-là, nous allons entrer en profondeur. Et ces choses sont causées en grande majorité parce que nous sommes en train de voir là maintenant. De telle enceinte que les pensées sont perverties, comme la Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 30, que celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses est en abomination à l'Éternel. C'est ainsi que l'enfant, depuis 3 ans, 4 ans, 7 ans, pour chacun de vous, pour chacun de nous sur cette terre-ci. Nous avons des pensées, comme on se disait depuis les deux dernières parties, vous voyez que vous vous posez la question, d'où est-ce que ça vient? On est, comme je le dis dans l'enseignement, nos sujets des pensées. Les pensées nous viennent, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Les puissances des ténèbres, nos sujets des pensées. Il faut donc que les canaux par lesquels ils traversent pour nous les suggérer soient brisés. Non seulement cela, que ça soit scellé, que notre corps soit scellé. Si ce n'est pas couvert par le Saint-Esprit, tout ce qu'on fait, on sera sous leur influence. Et ces choses, ça a tellement amené les choses dans le couple au point où cette femme n'a pas pu supporter. Non. La conséquence drastique et dramatique, ça a été La séparation. La séparation. Que Dieu te bénisse. Courage, d'accord, ma soeur. Je crois qu'il faut qu'on mette encore le pied dans le continent européen. Il y a des styles de prière qu'on va faire. Donc continue à prier, tout esprit impur qui manipule ma vie, qui a touché ma vie, venant des rapports sexuels, tout genre de façon des rapports sexuels, que ça soit brisé et que l'influence soit brisée. Je crois que ça sera bien comme ça. D'accord, mes soeurs? Merci. Voilà, merci franchement, parce que c'est vraiment courageux, particulièrement de la soeur, particulièrement la sœur Alice. Que Dieu vraiment te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un chapeau à ton mari. Je crois qu'il veut toucher là. Il voulait appeler les noms que j'ai ici. Mais je vais appeler en lieu. Vous êtes nombreux ici. Je souhaite que sentez-vous pousser. Je ne dois plus indexer quelqu'un. Sentez-vous pousser ce soir avant qu'on est dans les Saintes Écritures. Je ne sais pas comment le Seigneur va faire ces choses ce soir-ci. Mais ce qui me concerne beaucoup plus ce soir, c'est le cas que j'ai écrit ici concernant le mari de notre soeur. Donc lorsqu'on va finir là, il faut que j'entame avec lui. Alors la soeur Natoucha, rebonsoir. Natoucha, elle est encore là. Bonsoir mon frère. Comment tu vas ma soeur? Par la grâce de Dieu, ça va mon frère. Parle. Dans la famille, se trouve, il y a ces choses. Je ne sais pas si tu es au courant de ceci. Le rapprochement entre des personnes de la même famille. Quand il parle de rapprochement, tu comprends un peu, n'est-ce pas? Rapprochement. Quand il parle du rapprochement, tu comprends, ma soeur? Oui, je ne sais pas si ma question est difficile. Tu comprends un peu ma soeur? C'est oui ou c'est non? Si c'est non, j'avance pour bien. Non, mon frère, je ne comprends pas. Il y a de l'inceste dans la famille. Je crois que c'est clair comme ça. Quand on dit comme ça, c'est clair, non? L'inceste? Là, je ne sais pas. Inceste. Je ne sais pas du tout. Tu connais quelqu'un qui est en train de faire le vin blanc? Le quoi? Le vin blanc. Au village, il y en a. Tu connais quelqu'un qui est en train de faire le vin blanc? Cette personne, c'est spécialiste du vin blanc. Il m'adresse à Natoucha. C'est Natoucha qui parle là, non? Oui, c'est moi. C'est voilà. Moi, mon frère. Donc, il y a quelqu'un qui fait le vin blanc. C'est écrit à côté de ton nom ici. Devait me rapprocher à côté jusqu'à ce que tu aies suivi ce que je t'en ai dit. Il parle de rapprochement de la famille. Donc ces choses minent la famille. Au village, j'ai des cousins qui font du vin blanc. En dehors de ce vin blanc, si donc maintenant, comme tu connais au moins le vin blanc, tu sais ce qui se passe tout autour dans cette famille. Tu n'as jamais eu vent. Non, mon frère. Pourtant, le Seigneur t'a montré des choses concernant cela dans le songe, ma soeur. Dans le temps que tu réfléchis, on va passer à une autre personne. Tu es en ligne là. Bon, la femme dans la sainteté, bonsoir. La sœur Solange Suzanne. Si tu ouvres ta bouche, je ne sais pas si on va respirer ici. Alors, ce serait bien. La sœur Natoucha, donc, le temps que tu réfléchis, je dis par des songes. Il y a un songe qui a été montré en concernant ces choses-ci. La sœur Suzanne, le temps pour notre sœur Natoucha d'y aller. Mon frère. Bonsoir, je ne sais pas si c'est la première fois. J'ai l'impression que la première et la deuxième séance, tu n'y avais pas été. La première séance, je n'y étais pas. Oui, c'est ça. Ok. Tu as quand même, tu sais de quoi nous sommes de parler depuis. Oui. Ok, maintenant, ce que tu peux entendre dans ton esprit, c'est que c'est chaud. Ou bien on prie tout simplement ce soir-ci. Souvenez-vous de ce qui est dit. Quand chaque fois, je vais vous faire comprendre quelque chose. Chaque fois, vous remarquez que quand je commence, je fais jouer l'extrait de la femme dans la sainteté. Pour que vous gardiez à l'esprit, c'est les choses que nous allons traiter. Et vous remarquez que au fur et à mesure, le Saint-Esprit a traité thème après thème les choses qui sont énoncées. Vous voyez, la stérilité de la femme, que faire? Femme violée. Femme ayant, vous voyez, que faire? Les solutions. Et vous aurez des témoignages. Vous entendez le Saint-Esprit dire cela là-bas. Et on se retrouve en plein là-dedans. Alors, attendez-vous à cela. Et souvenez-vous, il est dit, c'est la prédication sans compromis. Donc, si quelqu'un est chaud, si quelqu'un n'est pas chaud, il se désactive comme ça, tranquillement, il va doucement. Parce qu'ici, on va traiter les fonds de ténèbres jusqu'à ce que ça sera clair comme la lampe blanche, plus que la lampe blanche. La Sainte Nature, dès que tu es prêt, tu ne reviens quand tu auras vendu. Mon frère, je fais souvent les songes, mais après je les oublie. Ouais. Donc, la scène de touche, ce que tu veux me dire, c'est que tu ne sais pas qu'il y a des gens qu'on a attrapés qui se faisaient des choses dans la famille entre eux. Tu n'as jamais entendu cela. Elle a tout oublié de la famille. Alors, la sœur Solange, tu voulais parler? Si tu ne veux pas parler, si tu es calme ce soir, il n'y a pas de problème, on continue. On continue, mon frère. On continue, vraiment, parce que tu ouvres la bouche là-bas. Qui veut parler ce soir? On va prendre... Non, mon frère, c'est la sœur Suzanne Claudon. Tu n'as pas encore fini. Je peux me permettre. Tu n'as pas encore fini la dernière fois, là. Il y a encore... Oui, j'ai bien parlé, mais juste, je veux revenir sur un fait. Oui. Parce que suite au témoignage de la sœur Alida. Oui. Oui, et ça m'a rappelé un événement, effectivement. Mmh. Parce que je me suis rappelé qu'avec mon époux, j'avais ce problème-là aussi. Mmh. Et quand elle a témoigné, je me demande si c'était pas ça le problème, justement. Mmh. Ok, ça c'était une question. Bon, comme on n'est pas là dans les séances des questions-réponses, on va y revenir là. Comment ça? Non, mais je pense que ça vient de là, j'en suis certaine. Mm-hmm. Donc tu vois effectivement qu'il faut dégager l'âme, n'est-ce pas? Il faut prier, n'est-ce pas vrai? Oui. Mm-hmm. Merci, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Oui. Comment la soeur Paul Gertrude, bonsoir, tu viens de te joindre à nous. Comment tu vas? Comment? La soeur Paul Gertrude, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment tu te sens ce soir? Je vais bien par la grâce du Seigneur, mon frère. Ta voix est revenue, n'est-ce pas? Pardon? Ta voix est revenue. Oui, oui. Tu es déjà de retour? Non, je suis encore chez la sœur. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie, d'accord? Non. Est-ce que j'ai des questions à te poser? Il n'y a pas de questions à te poser. Sauf que, comment tu as dormi depuis? Comment tu as dormi depuis là? J'ai bien dormi. Par la grâce du Seigneur, ça va. Amen. La soeur, on est là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Voilà. Merci, bonsoir à toutes les soeurs. Mm-hmm. Je ne sais pas si ta vidéo est allumée. Je ne sais pas parce que je ne vois quasiment personne sur mon écran. Si vous avez votre vidéo, oui, frère Junior, ma vidéo n'est pas allumée parce que ma connexion n'est pas assez forte. Donc, du coup, j'ai dû arrêter toutes les vidéos pour pouvoir. Donc, comme le ministre italien a dit que le franc CFA est utilisé par la France pour décoloniser l'Afrique, pour dépouiller l'Afrique, la connexion africaine se trouve déjà chez vous aussi, pas vrai? Ok, je crois que quand ça va, c'est... Parce que nous sommes passés à la fin du mois et ma connexion, les débits sont déjà assez faibles, frère Junior. Ok, mais de toute façon, les prochaines fois, je crois qu'il faut que vous voyez, que vous vous connaissiez, parce que vous êtes des sœurs. Alors, je te pose la question, tu sais de quoi nous parlions ce soir? Oui, frère Junior. Allez, ouvre ta bouche, parle, si tu te sens poussé à parler. Frère Junior, par rapport à ces choses, j'avais déjà, je crois, avec toi, nous avions parlé déjà. On en a parlé déjà. Ok, je passe. Oui, quelques... certaines choses, oui. On en a parlé où, quand nous étions en Italie, là? Oui, je pense. Ok. Bon, ça va, on passe, n'est-ce pas? Mais néanmoins, il y a une partie, la partie où j'étais plus jeune, avec un cousin comme ça, un cousin très éloigné, il y a eu des attouchements. J'avais même pas encore 8 ans. Mmh. Donc, oui. On voit donc dans toutes ces conversations, on voit que le dénominateur commun, c'est qu'à l'âge d'inconscience, on commence à faire des choses dont on est censé faire dans la conscience. N'est-ce pas un paradoxe là? À l'âge d'inconscience, ou qu'on appellerait l'âge d'innocence, comment les gens qui sont assez innocents, c'est-à-dire qu'à l'âge de 2 ans, 3 ans pour les uns, 7 ans, 8 ans pour les autres, 13, 11 ans pour les unes et les autres encore, à cet âge où on est censé être innocent, inoffensif, et puis là, on a envie de commettre des choses tellement que ce sont des vieux des Sodome et Gomorrhe qui doivent commettre. Comment peut-on expliquer cela, la sœur Christine? Je ne sais pas si sa connexion est bonne. Ou bien la sœur Odile Sané. Allô, bonsoir. Bonsoir, qui parle? C'est la sœur Odile. Oui, la sœur Odile. Bonsoir. Tu as la parole. Bonsoir. Mmh. Tu sais de quoi nous parlons, n'est-ce pas? Oui. Mmh. Quand tu as suivi la chose dont nous parlons maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Alors, si je m'en rappelle bien, dans mon tendre enfance, je n'ai pas vraiment vécu ça, des attouchements, les quelques... Car dont je me suis rappelée, il ne s'est vraiment rien passé. Donc, je me rappelle, une fois, j'étais vraiment petite, peut-être je devais avoir 6 ans comme ça. Alors, j'avais une poupée et les garçons de mon village, ils avaient pris ma poupée, ils étaient en train de jouer au foot avec. Et moi, je leur disais, rendez-moi ma poupée, rendez-moi ma poupée, ben... Un des garçons, il m'a dit, la condition que je te rende la poupée, ben, c'est que tu viennes, je vais te montrer quelque chose. Et il s'est caché quelque part, ben, quand je suis venue voir, il a sorti son sexe. Et dès que j'ai vu ça, j'ai pris peur et j'ai commencé à pleurer. Et les autres sont venus. Et il y avait un de mes grands-oncles, bon, de mes petits-oncles, il n'est pas beaucoup plus âgé que moi, il était là. Et quand il a vu la scène, ben, il a dit, tu la laisses tranquille. Mmh. Et j'avais raconté ça à ma grand-mère, et ma grand-mère avait parlé avec ce garçon-là. Mmh. Et de là, voilà, il ne s'était rien passé. Quand tu as vu ça, tu as coupé court, quoi? Tu allais trahir? Voilà, je suis partie raconter ça et c'était fini. Ah ouais, c'est très bien. Après, l'autre souvenir qui me vient, c'est quand on organisait les fins d'année, on organisait on appelait ça à l'époque des balles entre classes d'âge comme ça. Et pendant ça, je me rappelle vraiment de ce que je me rappelle. Il y a eu un moment où on s'est dit, allez, on va se mettre sur le lit pour dormir. Et on faisait un garçon, une fille, un garçon, une fille. Et voilà. Peut-être qu'il y a eu accouchement, je ne sais pas. Donc, ce sont de vagues souvenirs comme ça qui me viennent. Donc, jusque-là, je ne me rappelle pas d'accouchement. Après ça, l'autre que je me rappelle, j'étais en classe de CM2. Je devais avoir 11 ans comme ça. Et on m'avait envoyé faire une commission. Il y avait un de mes petits-oncles aussi qui m'avait accompagné. Et quelqu'un nous... Bon, c'était un prêtre. Il nous a pris dans la voiture pour nous amener de l'autre côté. Et lui, quand j'étais dans la voiture, il a tendu sa main. Mais je sais que j'avais ce caractère-là quand j'étais petite. Je ne me laissais pas faire. Et donc, quand il a mis sa main, j'ai tapé sur sa main. Et comme j'ai tapé sur sa main... Mon petit oncle s'est retourné pour voir qu'est-ce qui se passait et il a arrêté. C'était qui? Tu dis c'est la personne qui t'étendait la main pour te toucher, c'était le prêtre? Oui. Voilà le Vatican. Un prêtre italien. Encore. Et là, je l'avais boudé. Je partais, quand je partais à la paroisse, je ne lui parlais plus. Je l'avais vraiment mis de côté jusqu'à ce que tout le monde avait... Mon groupe d'âge, ils avaient remarqué que je ne lui parlais plus, que je l'avais mis à côté. Et il a dit que... Un jour, il a fait le commentaire que voilà, que je l'avais boudé et tout. Et les autres me demandaient, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais je n'ai jamais raconté qu'est-ce qui s'était passé. Depuis là, tu ne vas plus à sa paroisse? Non, j'y allais, mais je n'avais plus du tout affaire avec lui. Je n'entrais plus dans son bureau, je ne faisais plus. Je l'avais vraiment boudé parce que moi, quand j'étais vraiment petite, j'étais très sévère avec les garçons. Je ne me laissais pas du tout faire. Oui. Donc, après ça, ce que je me rappelle encore de trucs comme ça, ça aussi, je ne sais pas comment c'est venu comme ça. Un jour, j'étais là, j'étais assez grande parce que j'étais en classe de peut-être première ou terminale. Et j'étais chez ma tante et on m'avait confié mon petit, c'était même mon neveu. Je l'avais mis comme ça sur ma poitrine et d'un coup, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. C'est horrible, c'est... Voilà, c'était un petit bébé comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé sur la tête. Comme ça, j'ai commencé à prendre son petit sexe là, à tripoter des trucs comme ça. Mais c'est pas aller plus loin que ça. Monsieur, attends. J'aimerais qu'on reste dans ce cadre-ci. Cette chose, le déclic chaque fois, dans toutes les histoires que nous entendons là, c'est toujours, je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas ce qui a passé. Vous voyez qu'il y a un aspect spirituel derrière ces choses, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez? Ouais. Voilà, donc sincèrement, je ne sais pas parce que moi personnellement, j'étais, même on m'appelait la tigresse parce qu'avec les garçons, c'était comme un chat et chien. J'étais vraiment trop. Non, je me bagarrais. Dès que tu me dis même je t'aime là, alors là c'est la bataille, je t'attends toujours pour te faire les problèmes à cause de ça. Mais là, je ne peux pas expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé comme okay. ça. Amen. Voilà. Donc, on l'entend. Donc, on retient que la sœur Odile. Sané est une ex-tigresse. C'est son, je la cite. Non, ben, je ne sais pas. C'est un surnom qu'on m'avait donné quand j'étais petite comme ça. Donc, Ça te méritait, non? Ah, ben oui. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai compris qu'il y avait de quoi qu'on m'appelle comme ça. Justement, tu as tes ongles rétractiles, n'est-ce pas? Voilà. Après ça, l'autre. Oui, ma soeur, vas-y. Souvenir qui me vient aussi, c'est un oncle, voilà, donc j'étais chez eux aussi. Une nuit comme ça, il a toqué à la fenêtre, je ne sais pas, sa femme était au boulot et tout. Quand il a toqué, j'étais avec mes cousines, mais j'étais la plus grande. Donc quand je me suis réveillée, il a dit « viens ». Mais comme je ne me laissais pas faire, quand j'ai compris vraiment ses intentions, alors là, j'ai dit, comme il savait que s'il continue, je vais parler fort. Ben après il m'a lâché. Donc et je suis revenue, je suis restée tranquille. Oui. Jusque là vraiment, je peux dire jusqu'à mes 22 ans, je me laissais pas du tout faire et tout. Maintenant je pense maintenant ce qui a ouvert ça, c'est quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé à lire les romans à l'eau de rose et tout ça, là on prend les bouquins et on commence à lire les trucs qui parlent de les histoires là, de ça te raconte les actes, comment ça se passe et tout. Et du coup, ben ça je me rappelle la première fois vraiment, mes copines étaient parties en vacances, j'étais restée seule au campus et tout, et je m'étais pris plein de bouquins comme ça, je lisais beaucoup. Et c'est là vraiment pour la première fois, je ne sais même pas comment l'idée m'est venue, j'ai commencé à me masturber. C'était avec ces bouquins-là, c'est pourquoi je sais exactement que ça, vraiment, ça a eu une influence sur ça. Oui, une fois de plus encore, cette phrase-ci, ce n'est pas la masturbation qui est le problème. C'est cette phrase, c'est dans ce genre de phrases que nous travaillons, c'est cette virgule-là, cette parenthèse-là. Une fois de plus, tu te rends compte que tu as lu un bouquin. Peut-être le bouquin parle de ces choses, de la sexualité. Et puis par la suite, quelque chose déclenche, tu commences. C'est cette chose-là, ce qui déclenche là, c'est de ça dont nous parlons ici. Et c'est de ça que nous sommes en train de vouloir traiter. C'est de ça dont il est question. Parce que c'est le cordon. C'est la chaîne avec laquelle, souvenez-vous, de Luc chapitre 13, à partir du verset 10, où le Seigneur a dit Satan avait tenu cette femme-là, la fille d'Abraham, tenue par les chaînes depuis 18 ans. Et Dieu et Jésus dit qu'il fallait briser ça le jour du sabbat. Pourtant, cette femme marchait, elle était libre. On pouvait la voir libre de ses mouvements. Mais spirituellement, elle était enchaînée. Vous voyez cela? Et donc, beaucoup de personnes commencent à s'enchaîner de façon différente, de différentes façons. Lorsqu'on va venir dans une autre prédication, là maintenant c'est pour le cadre général, on va toucher le cadre des péchés sexuels, si encore une fois de plus, le cadre de l'adultère principalement. Et vous allez voir de quoi il est question, comment il est question. Les gens qui commettent l'adultère, écoutez tous attentivement, il y a une corde qui est attachée à leur âme et leur tire vers le séjour des morts. Maintenant, regardez très attentivement. Cette virgule-là, cette parenthèse, chaque fois que vous dites, quand j'étais petit, je ne sais même pas ce qui est venu, j'ai commencé à faire comme ça. Ou bien quand j'ai lu, je ne sais pas ce qui est arrivé sur moi. Et puis j'ai commencé à me masturber. Cette parenthèse de ces choses que vous ne maîtrisez pas. Chaque fois quand vous vous ouvrez dans les portes spirituelles qui sont interdites par les Saintes Écritures, vous vous placez sur l'autorité, sous l'autorité et sous les puissances démoniaques. À cet instant, supposons par exemple que vous avez votre téléphone ou bien votre ordinateur, vous commencez à voir des films pornographiques. À cet instant-là, le champ magnétique qui se trouve, si on peut appeler ça un champ magnétique, ça se trouve sur le plan physique. Votre environnement est conditionné par cette puissance démoniaque. Ils peuvent entrer par vos yeux, par vos désirs, commencer à manipuler vos émotions. Vraiment, ne vous sentez seulement à l'intérieur, vous ne savez pas ce qui vous arrive. C'est pour cela que le Saint-Esprit veut traiter avec les âmes. Et là, vous remarquez, effectivement, pour vous montrer que quelque chose ne va pas, quand vous le faites, après que vous voyez fait cela, vous arrêtez, vous posez la question, pourquoi vous faites ça? En fait, vous remarquez bien, malgré la satisfaction que vous pensez, vous trouvez, vous savez qu'il y a une culpabilité pour montrer que ce n'est pas bon. Par la suite, vous voyez que vous ne pouvez pas arrêter. Vous continuez seulement. Même si vous voulez arrêter, il se pourrait que vous priez là, pour le Seigneur, pardon, la seconde après, vous le faites. Pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la chaîne est là, il faut briser. Et malheureusement... Okay. En fait, je veux ajouter ici quelque chose par rapport à ce que moi j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est qui là maintenant? On est là. Or, on est là, oui. De l'Italie. Vous êtes nombreux, en fait, frère Junior, en fait, en plus des attouchements dont j'ai parlé, j'ai fait pas tout à l'heure là, il y a eu également dans mon enfance des moments de jeux des jeux de cache-cache que je faisais avec les garçons du quartier. Et par moments, on se cachait, il y avait souvent ces attouchements là. En fait. Et je me souviens également, je ne sais pas quel âge j'avais trouvé un téléphone chez nous, et dans ce téléphone-là, il y avait des films pornographiques. Et puis, je me suis cachée un jour dans la chambre, j'ai commencé à regarder ce film, et ces films-là. Et quand je regardais ces films, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'essayais de faire comme eux. Je vais dire la masturbation, en fait. Donc, je voulais aussi confesser ça, en fait. Donc voilà tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, ça m'a entraîné à faire ces choses-là. Puisse le Saint-Esprit donc guérir toutes nos âmes à cause de toutes ces choses. Souvenez-vous, regardez très attentivement, quand vous avez commencé avec ces choses-ci, vos œils ne sont plus contrôlés par vous, vos pensées ne sont plus contrôlées par vous, vos mains ne sont plus contrôlées par vous. Vous prenez une télécommande, vous savez exactement que c'est à une heure bien précise que ça se passe. L'esprit démoniaque vous fait vous asseoir là-bas devant la télévision, en vous trompant dans votre esprit que non, vous voulez voir le journal. Et vous savez effectivement en vous-même que ça va arriver là-bas. Vous savez effectivement que vous allez arriver là-bas. Vous prenez la télécommande, vous passez, vous traversez la chaîne en voyant que vous êtes là-dedans. Vous ne pouvez pas, la télécommande avec vous, la télévision est devant vous, vous ne pouvez pas arrêter. Il faut la délivrance. Si le Saint-Esprit n'est pas là, on est captif. C'est exactement comme ceux qui prennent la drogue ou bien la cigarette. Ils vont beau dire qu'ils ne fument pas, ils ne veulent pas fumer en voyant qu'ils ont fumé. Il faut la délivrance. Il y a dans des chaînes comme ça qu'il faut briser. La femme de la sainteté, bonsoir et bienvenue encore une fois. La soeur, Odile, tu as fini? Oui, c'est qui alors maintenant? La soeur Natoucha. La soeur Natoucha, bonsoir encore. Bonsoir mon frère. Oui, parle maintenant. En ce qui concerne l'inceste, vraiment, dans la famille, je me rappelle que quand on était très jeune, j'étais encore très petite, ça se parlait au village qu'il y a des frères, c'est des cousins, des frères, qui ont fait un enfant ensemble. La soeur Natoucha, allons-y doucement. D'accord? Oui. Voilà. Rebonsoir. Bonsoir, mon frère. Tu sais que c'est comme ça qu'on nous a appris, comme ça, là, que les bonnes manières, il faut les bonnes manières. Non, je fais les bonnes manières avec toi, n'est-ce pas? Devant ton nom, c'est écrit ici inceste. Tu vois cela? Devant ton nom. Va le cahier, c'est écrit là, avec ton nom. Et puis. Je parle, tu n'as pas bien saisi. J'ai dit, ça se passe au village. Je parle en voyant, parce que les gens ne le voient que quelqu'un porter de vin blanc. La personne porte de vin blanc. Il dit, c'est proche avec une personne de vin blanc. Je parle, le Saint-Esprit dit que même dans le songe, ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a montré dans le songe. Après, il dit effectivement, donc tu n'as même pas entendu ces choses dans le passé. Il faut te... Comment tu as fait pour te remémorer alors? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis en train de... Je réfléchis, je pense, je... Ok. Et puis, je me suis rappelé qu'on parlait de ça il y a longtemps. Oui. C'est pour ça que tu ne voulais pas te souvenir, n'est-ce pas? Et même jusque-là, je m'en souviens même pas bien parce que les visages ne me reviennent plus de ces gens-là. Je ne les connais même pas. Mmh. Ok. Et voilà, tu es dans cette famille. Voici ça qui est à côté de ton nom. Dans cette famille, si cet esprit a détruit la famille à petit feu, qu'est-ce qu'on en fait? C'est en ton pouvoir maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait de cela? Donc, c'est principalement cet esprit-ci amène l'ivresse et cette chose-ci dans la famille. Ça détruit. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, mon frère. La soeur Natoucha. Oui. Ne t'inquiète pas, tout va être restauré. 2019, c'est notre année. Non. 2019, c'est notre année. Les choses vont changer. L'âme va changer de camp. Ne pleure pas, d'accord? Oui, j'ai essayé tout à l'heure, pendant qu'on était en ligne, oui, d'envoyer des messages à mes soeurs pour, oui, leur demander si elles pourraient se rappeler. Mm. Mais je crois qu'elles dorment déjà, personne ne m'a répondu. Oui. En tout cas, la prochaine édition de la réunion de la femme dans la sainteté, tu vas nous revenir avec le message, les réponses qu'elles t'auront données, d'accord? Mais en tout cas, cet esprit se trouve dans la famille. Mais la façon délicate maintenant, c'est que c'est sournois maintenant, c'est semble caché. Donc, il faut dire à tes soeurs et à toute personne de la famille qui ont des enfants, il est temps de regarder ses enfants et de prier que Seigneur, montre-moi ce que les enfants s'y font parce que c'est grave. Quand Dieu va ouvrir le voile de ce qui se passe là-bas, vous allez crier. Ceux que vous appréciez en disant que wow, cet enfant c'est calme, c'est quand cet enfant ouvre la bouche et vous confesse que Dieu vous montre ce qu'ils sont en train de faire, vous allez frapper le poing sur la table en disant que c'est terrible ce qui se passe dans cette famille. Tu m'as suivi. Il ne faut pas que ces choses gâchent les générations qui sont devenues, parce que les enfants dans cette famille là ont des brillantes avenirs et Satan veut détruire cela. Mais, okay. Merci donc, ma soeur. J'espère que tu n'es pas fâchée comme je t'ai parlé de cette façon-ci, n'est-ce pas? Non, au contraire, non, pas du tout. Pas du tout, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Préparez votre livre, nous allons lire. Avant que quelqu'un t'aille parler, je ne sais pas si la soeur Odile a fini. C'est la soeur Odile, je voulais juste terminer. Oui. Vas-y, ma soeur. Et vous m'entendez là, c'est bon? Saint sur saint. D'accord. Et alors, je disais donc, après cette phase-là, ben, je me rappelle... La sœur Odile, si tu nous entends là... Entre deux filles, entre moi... La sœur Odile, on a été interrompu à un moment donné, on n'a pas entendu. Donc, tu te rappelles, là où nous sommes arrêtés. D'accord. Mmh. Là, c'est bon? C'est bon, là. Ne bouge pas. Je disais, c'était des attouchements, mais là, c'était plutôt entre filles. Vas-y, ma soeur. À chaque fois quand tu parles de cela, maintenant, ta connexion s'interrompt. Allô, ma soeur, Odile, tu nous entends? Allô? Allô? La sœur Odile, tu nous entends? Pendant que nous sommes en train de parler, il y a des... Merci Père. Écoutez-moi, la sœur Odile, si tu nous entends, garde, fini là, il faut que je parle de ces choses-ci. Le Saint-Esprit veut parler à certaines personnes, bon? Mais ces personnes ne se trouvent pas ici. Oui, ma sœur, vas-y, parle-nous. Tu dis qu'il y a des attouchements. Oh mon Dieu. Allô? Oui, ma sœur, vas-y. Voilà, donc je disais, il y a eu attouchement entre filles. Ça, c'était une copine. Donc, on était sortis comme on va danser les soirées dansantes. On est parti danser, on est revenu. Ben, on était couchés sur le lit comme ça. Et d'un coup, ben, l'initiative est venue d'elle. Mais moi aussi, je ne l'ai pas rejetée. Elle a commencé à m'embrasser. Et ben, après, j'ai regardé comme ça, mais mon sentiment après ça, c'est que le lendemain, j'avais tellement honte que je ne pouvais pas la regarder. J'avais vraiment honte. Je ne sais, en fait, personne n'a dit, on n'en a plus parlé, on n'a pas fait de commentaires, ni rien du tout. Mais jusqu'à présent, quand je la voyais, tout le temps, il y a ce truc-là, cette image-là qui me revenait et ça me fait comme la honte, je ne sais pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle est devenue de son côté? Elle est mariée maintenant, elle est avec son mari et ses enfants. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ça, c'est le mariage. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je ne sais pas. La vérité est que je ne sais pas parce qu'après, je n'ai pas du tout vraiment de ces nouvelles que je puisse dire. Permettez-moi de parler ceci parce que c'est urgent. Parce que le Saint-Esprit conduira des gens dans cette chose-ci. Il y a des gens qui se trouvent au milieu des assemblées qui sont en train de lutter contre ces choses-ci. Le Seigneur veut que je les parle. Il y a des gens qui se trouvent au milieu des assemblées, souffrent de ceci et beaucoup de personnes ne savent même pas. Il y a des filles qu'à l'intérieur se trouvent effectivement les présences masculin dans leur corps, de telle enceinte que c'est des présents masculins qui se trouvent. Elles chantent. Je suis en train de regarder là, beaucoup sont des choristes, beaucoup d'entre elles sont des choristes. Mais à l'intérieur, elles chantent, mais elles trouvent, ce sont des agents, elles croient dans la nuit, elles voient qu'elles se trouvent dans un autre univers. Mais et là, on est en train de l'initier seulement. Mais cette fille, c'est un enfant du Seigneur dans lequel se trouve un démon masculin. Vous voyez, elle se trouve en plein milieu de l'assemblée. Maintenant, elle est là maintenant comme Satan l'utilise comme les agents de destruction. Ça se trouve en plein. Je suis en train de m'adresser, pas à vous que je m'adresse à ces personnes-là maintenant. La puissance de Dieu est là pour les disloquer de cela. Il y a des garçons donc qui sont en se trouve. Ça se trouve dans les assemblées. Merci Père, merci ô Dieu parce que tu les vois. Merci Seigneur parce que tu les prends sous ta charge. Des garçons qui sont au milieu de l'assemblée, c'est viable, mais qui se trouvent en captivité dans la sexualité. L'homosexualité en plein église. Et la personne est appréciée des pasteurs. Appréciée des pasteurs. Mais on ne sait pas ce qu'elle fait par derrière. Et la personne se meurt à l'intérieur. Mon cher, tu m'écoutes maintenant. C'est à toi le Seigneur qui s'adresse. C'est ta délivrance maintenant. À la fin de chaque enseignement sur Bamba Iba se trouvent les numéros de téléphone. Se trouvent des contacts Skype et les emails. Prends ton email et écris. C'est à toi que je m'adresse parce qu'en m'écoutant cette voix maintenant, tu sais exactement ce qui parcourt ton corps. Tu sais exactement ce qui te parcourt le corps. C'est à toi que je m'adresse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette chaîne-là sera brisée sur toi. Prends ta plume et écris. Écris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ses enfants. Merci Dieu de gloire pour ses enfants. Merci Père pour ses enfants. Merci Dieu pour ses enfants. Merci Seigneur parce que tu as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu vas enlever tous tes enfants qui se trouvent dans ces ténèbres. Satan, je dénonce tes œuvres dans la vie des enfants du Seigneur. Et je commande que tu arrêtes tes exactions dans leur âme. Au nom de Jésus-Christ, car il est écrit que Jésus, notre Seigneur, est venu libérer les captifs. Il est venu proclamer la liberté à ceux qui étaient en prison. Que toutes les grilles de cette prison-là tombent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, je reviens à vous maintenant. Ouf. La sœur Elena, non. Je peux continuer? Oui, vas-y ma sœur. D'accord. Alors, et la deuxième fois, c'était la même chose. Mais là, j'étais déjà en Europe ici. C'était avec une collègue, une ex-collègue. Donc, tout le temps aussi, elle me disait, oui, on va en boîte. Et une fois, j'ai été avec elle. Et quand on est revenu, moi j'étais lucide hein, parce que je ne buvais pas du tout, j'étais pas du tout ivre ni quoi que ce soit, mais elle était vraiment saoule et tout. Quand on est revenu, c'était la même chose. Quand on s'est couché, elle a commencé du tout et tout. Là j'ai dit vraiment, mais là j'étais consciente et là je connais ma part de participation à ça. Je voulais vraiment découvrir entre femme et femme et ça fait quoi. Comme on en parle, mais je voulais vraiment savoir c'est quoi. Et là, on s'est embrassé la même chose, on s'est attouché et tout. Mais le sentiment de culpabilité, c'était beaucoup. Je n'arrivais pas et j'ai coupé les ponts avec cette fille-là aussi. j'ai plus voulu la revoir et tout. Elle a cherché à me recontacter par plusieurs trucs. Bon, tu avais découvert quoi, ma soeur? Parce que tu voulais découvrir, tu avais fait la recherche scientifique de l'amour. Qu'as-tu découvert? Je voulais pas de. Allô, la soeur Odile? Allô? Oui, dis-nous, oui? Tu as découvert quoi dans cet amour-là? Rien du tout. J'ai découvert juste la culpabilité. Je culpabilisais beaucoup. Je me disais que c'est quelque chose que je ne dois pas se faire et tout. Voilà. Et là, j'ai vraiment coupé les ponts avec, avec elle. Donc, ça, vraiment, c'est tout ce que je me rappelle de trucs d'attouchement. Après ça, voilà, il y a eu le... Comment on appelle ça? C'est la débauche, hein? Après, tu commences à chercher d'homme à homme, comme vous avez dit la dernière fois dans le truc. On cherche d'homme à homme, l'homme qui va ressembler à l'homme qu'on cherche, mais après, on ne le trouve pas jusqu'à ce qu'on trouve le Seigneur. Jusqu'à... Comme la femme samaritaine. Et donc, quand vous parliez de la femme samaritaine qui allait d'homme en homme, jusqu'à finalement elle a retrouvé Jésus, ben je me suis retrouvée dans ça. On arrive, on arrive avec elle. La femme samaritaine va nous donner beaucoup d'enseignements bientôt. D'accord. Voilà. Merci pour ton témoignage. Part cela, voilà, après on m'a dit j'avais des maris de nuit, des trucs comme ça. Donc maintenant je comprends peut-être les portes ouvertes qu'on a ouvertes comme ça, c'est ça qui amène tous ces problèmes là de maris de nuit, de tout ça là. Vous voyez que si ces choses-ci ne sont pas traitées en profondeur, il y a des gens qui vont continuer leur vie, qui sont surpris que dans leur foyer, ils se posent la question, pourquoi j'ai des attaques nocturnes? Il y a des gens qui font ces choses-là, ça leur permet d'avoir les portes. Et beaucoup d'esprits, beaucoup de tensions dans le foyer sont causées par rapport à ces choses, à cause de ces choses-ci. Dans le plus jeune de vos âges, vous ouvrez les portes. Enfin, dans l'âge du sang, Satan s'en fout si vous êtes innocent ou quoi que ce soit. Remarquez bien combien il faut avoir vous à 3 ans. Quand il le fait cela, il a préparé les portes. Vous grandissez, vous trouvez votre mari, il ne dit absolument rien. Il entre, c'est l'âge que tu dis que tu es de Jésus. Il va se présenter maintenant pour montrer clairement qu'il avait, cimenté son territoire avant que ton histoire de Jésus ne commence. Là, les tensions vont commencer. Il envoie un esprit entre vous et votre mari. Petit à petit, la haine commence à s'installer entre toi et ton mari. Des disputes, moins de petites choses, des disputes. Moins de petites choses, des disputes. La tension. Quand votre mari est à distance, vous pouvez parler au téléphone, vous entendez que vous êtes vraiment à l'aise. Dès qu'il met la présence face à face, ça devient une autre personne. Vous êtes surpris que qu'est-ce qui ne va pas, ces esprits-ci. Vous dormez dans le lit, votre mari peut vous toucher, vous ne sentez pas vêtements. Mais vous avez des couches de nuit, vous aimez tellement ces couches de nuit-là. Parce que vous trouvez plus de satisfaction là-bas. Voilà autant de choses. Il y a des problèmes. Quand je vois les gens disent non, mais je donne ma vie à Jésus, tout va bien, ça me fait rire vraiment. Parce qu'ils ne savent pas de quoi il est question. Quand vous avancez à un autre niveau, vous comprenez qu'il faut la délivrance. La femme de la sainteté, bonsoir encore. Voilà, il y a une personne ici que je voulais appeler, mais je crois, lisons d'abord 2 Samuel chapitre 13. La sœur qui tient, je ne sais pas si ta connexion est bonne pour pouvoir lire, je ne sais pas si le son peut être bon. Si c'est pas bon, on choisit une autre personne qui a un bon son. La sœur qui tient, c'est bon chez toi? Oui, voilà, vous m'entendez? Oui, c'est bien, je crois que c'est bon. 2 Samuel chapitre 13, lisons cela avant d'avancer. Vraiment que le Seigneur, puisse le Seigneur nous... Souvenez-vous, ce sont des sujets délicats qu'on n'aime pas aborder parce que les gens souffrent et meurent à petit feu. Et justement, Satan aime ces choses-là. Quand vous êtes dans votre coin, il vous martèle, frappe vos pensées, frappe votre cœur en disant, si tu exposes ça, ce sera ta personnalité. Écoutez bien, votre personnalité, ça doit être la personnalité de la sainteté, pas la personnalité des ténèbres. Donc, écoutez, et si vous présentez comme ça, quelqu'un va prendre votre témoignage ou bien votre dit pour pouvoir se moquer, il emporte les peines. Donc ne vous inquiétez pas pour cela. Quand vous dites là, vous êtes clair avec le Seigneur, puis c'est terminé. Et puis là, Satan aura des efforts à faire. Mais vous le cajolez, il va vous retrouver à la maison. Vous allez finir dormir ensemble. 2 Samuel chapitre 13. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi le fils

et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre, et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Shimea, frère de David, prit la parole et dit « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. » Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, voici les fils du roi qui arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmai, fils d'Amihur, roi de Geshur, et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Geshur où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amnon. Amen. Amen. Voilà. Je crois que la dernière fois, nous avions donné ceci avec, en compagnie d'Exode chapitre 22, verset 20, Lévitique chapitre 19, verset 19, 20, 11, 12, 15, 16, 18 et 17. Je crois bien, si nous avons lu cela. Mais vous avez vu cette sombre histoire. Regardez le personnage de Jonadab, le cousin même d'Amon et autres. Regardez le jeu des mots de la drague de ces garçons de Amnon, qui dit à Jonadab de faire venir Tamar, la sœur d'Absalom, son frère. Vous voyez les jeux, n'est-ce pas? Il ne dit pas faire venir ma sœur parce qu'il me prépare le côté. Il dit faire venir la sœur d'Absalom, Absalom qui est mon frère. Et remarquez bien, une fois de plus, on dit qu'après avoir couché avec elle, il eut de l'aversion. Et de l'aversion était proportionnelle plus à une très grande échelle, plus que ne l'était son amour. La question c'est, mais ça, je vous pose la question. Amnon avait-il, oui ou non, l'amour pour Tamar, sa sœur? Qu'est-ce qui l'attirait au juste? Quand on a une jolie fleur, qu'on veut vraiment, on aime vraiment cette fleur, on la détruit et on la protège. C'est le sexe qui l'intéressait en fait. Mm-hmm. Alors, vous voyez que cette chose que vous, chaque fois que chacun dit, et puis je me suis senti, je ne sais pas ce qui m'a poussé, c'est quelque chose a poussé notre garçon Amnon ici. Maintenant, ce que vous devez savoir déjà avant d'expliquer ceci, c'est que dans l'Ancien Testament, vous ne verrez pas des endroits où on mentionne les démons. Vous avez comme impression que les démons ne fonctionnent pas, qu'ils ne sont pas à l'œuvre. Vous ne les voyez nulle part là-bas. Mais pourtant, les démons sont derrière chacun de ces actes-là. Vous remarquez que c'est dans le Nouveau Testament, ou mieux encore, quand le Seigneur Jésus va venir dans les évangiles, qu'on commence à entendre parler des démons. Mais là, vous ne voyez nulle part les démons. Vous voyez cela? Alors, qu'est-ce qui tourmentait ce garçon au point où il pousse sa soeur à violer sa soeur? Et remarquez la haine qu'il en est. Maintenant, je vous lance dans les commentaires. Les soeurs, vous qui n'avez pas encore parlé, Carole Châtelonne, Reine, la soeur Marie-France, tous les autres là qui sont en, vous êtes en réserve, vous ne voulez pas qu'on parle. Maintenant, voilà la Bible qu'on a lu. Commentez la Bible alors. Par rapport à ce qu'on s'en est de voir. Vous voyez que l'inceste n'a pas commencé aujourd'hui. Et souvenez-vous des mots infamie, abomination. Par rapport à ces choses-ci. Et aujourd'hui, les gens ont subi. D'autres personnes ont subi des viols cash. Ils ne savent pas qu'elles ont gardé comme ça des portes centrales pour que Satan passe à chaque fois. Alors, les femmes de la sainteté parlent. Je peux parler. Qui veut parler? Je serai anonyme. Oui, sois anonyme, ma soeur. Ok, allons-y. Je crois que tu as entendu ma voix. Saint sucin. On parle en côte ce soir, d'accord? Parce que c'est dangereux. Les gens qui nous écoutent là, c'est fort. Allons-y, ma soeur. Oh, Seigneur. Bon. Je fais mon témoignage ou bien j'explique d'abord ce qu'on vient de lire. Balance, Samuel 13. Allons-y, ma soeur. Comment... Ok, je me lance. Pour lancer, commence par Samuel 13 et puis tu avances dans ton témoignage. Comme ça, ça nous embrouille bien. Allons-y, ma soeur. Non, Samuel 13, oui, effectivement, quand on lit, on ne se rend pas compte que ce sont les démons qui sont à l'œuvre. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est le mot aversion. Aversion qu'il a eu après qu'il ait touché sa sœur. Au point de dire, faites sortir cette femme. Vraiment, le mot. Faites sortir cette femme. On pourrait dire dans notre cette pembèche, cette chose. Mm-hmm. Vous voyez cela? Alors qu'on disait qu'elle mourait, il mourait de l'amour. Ou pour elle était malade d'amour. Mm-hmm. Oui, vas-y, ma soeur. Et le mot aversion m'a rappelé justement aussi ce que j'ai vécu. Parce que, comme je disais la dernière fois quand on lisait le livre, le premier livre qu'on a lu sur les filles de Lot, et je disais que souvent on se retrouve à l'âge de 8 ans en train de faire des choses, on se demande, on ne sait même pas où on a appris ça, d'où ça vient, comment c'est venu. Et en fait, je me rappelle que plus jeune, j'avais un cousin à mon père qui venait souvent nous saluer. Et un jour, il a dit, ah, je voudrais aller aux toilettes. Et puis mon père a dit, Karine, va montrer les toilettes à quelqu'un. Et quand je suis allée lui montrer les toilettes, il m'a fait asseoir sur un truc. Et puis il a commencé à toucher mon fesse. Et puis... Courage, ma soeur, courage. Et puis après ça, c'est là que j'ai commencé à me masturber très jeune. J'avais 8 ans. À partir de là. Je me rappelle très bien, on était à Douala et on était à Petite Joss. Et je me rappelle que la domestique est entrée dans la chambre. Elle m'a trouvé. Et j'avais l'habitude de prendre toujours comme des oreillers et de mettre entre mes jambes. Je sais pas où j'ai vu ça. Je vous dis, c'est comme ça que je fais. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Je suis couchée. Et ça a continué comme ça, ça a continué comme ça. Quand on s'est retrouvé à Garoua, j'avais déjà dans les... Je crois que j'étais même plus jeune à Douala, je devais avoir peut-être 5 ans. Et puis on s'est retrouvé après au Nom. Et un jour, mon frère est venu à trouver comme des vidéos pornographiques que mon père cachait dans des armoires de la maison. Et un soir, mes parents n'étaient pas là, ils étaient sortis. Et mon frère a donc mis la vidéo. Et nous tous, les quatre enfants de mon père, le domestique, et on était là, on regardait. Sans plus, hein. On regardait, mon frère regardait, je regardais. Puis après, chacun allait passer à ses occupations. Et à la maison, il vivait la petite soeur de ma mère. Et mon grand frère et elle ont commencé à coucher ensemble. Non, il venait la nuit. Mon frère avait peut-être 10 ans. 10 ans. Il venait la nuit dans la chambre. Et il avait des rapports avec ma tante. Et puis moi, j'étais là, je regardais. Et puis moi, je me satisfaisais à côté. Donc, c'est passé comme ça. Puis quand on est arrivé plus loin à l'ouest. Est-ce qu'ils étaient conscients que tu étais là? Présent et que tu voyais, vivais ces choses. Je pense que lui, parce que plus tard aussi, ma tante a commencé à me faire des accouchements. Cette même personne-là. Oui, la petite soeur de ma mère. Et puis, ça a continué comme ça, ma tante et moi, ma tante. Et j'avais même pas 10 ans. Et puis, pourquoi je parlais du mot aversion? Parce qu'une fois, justement, mon frère... Oh mon Dieu! Mon frère m'a supplié. Il m'a dit, je t'en prie. Il m'a supplié, il m'a dit, non. Il m'a dit... Il m'a dit, je t'en prie. forcément une fellation, je t'en prie, je t'en prie. Je disais non, non, il me suffit. Finalement, j'ai accepté. Après ça, il n'y a jamais rien eu entre mon frère et moi. C'était juste ce jour-là, enfin, de ce que je me rappelle. Et jusqu'aujourd'hui, la relation que j'avais avec mon frère est brisée, quoi. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je l'aime bien, mais il y a quelque chose qui me repousse. Bon, ça continue. Puis moi aussi, j'avais déjà, quand je voyais, une fois, j'ai vu un de mes cousins, c'est moi qui lui viens, et puis je l'ai amené dans la chambre, et puis moi-même, j'ai commencé. Après un jour, ma mère, je gardais ma petite nièce, elle avait peut-être comme 13 ans, 14 ans. Et puis, j'ai commencé à toucher ses parties intimes. Et plus tard, quand j'avais. J'étais déjà rentrée de mes études et je gardais ma petite soeur, la fille de la deuxième femme à ma tête. J'ai fait pareil aussi, mais j'étais même déjà soi-disant chrétienne. Après, j'ai regretté, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et au milieu de tout ça, c'est sûr que quand j'étais étudiante, je regardais des films pornographiques, je me satisfaisais. Et depuis, c'est vrai, quand je me suis mariée, ça ne me disait rien du tout, que mon mari ne me touche pas, je ressentais rien. Moi, j'étais même carrément en train de me dire que, ok, je suis frigide, bon, c'est pas grave, je peux me satisfaire toute seule. Donc, j'ai évolué comme ça, et dans la famille de ma mère, c'est même pas seulement la seule tante, au moins trois ou quatre étaient comme ça au rapport au service. Et je me rappelle aussi que quand j'étais en cinquième, j'avais l'ami d'un. J'avais l'ami d'un collègue, la fille d'un collègue en mon père, qui a commencé à me faire des avances. Bon, elle était rentrée des vacances de France et elle est venue avec ses habitudes-là. Pourtant, on était toute petite, on avait grandi en fait. Et puis, elle a commencé à me faire des avances. Elle me voyait, elle m'embrassait. Bon, moi aussi, je refusais pas. Et puis, j'ai joué le jeu toute l'année, toute mon année de cinquième, je crois, cinquième. Et dans tout ce que je dis, là, j'étais vierge, en fait, vierge physiquement, mais comme c'est la seule période, mais tout spirituellement. Et j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai beaucoup prié pour ça, j'ai même demandé pardon pour ces enfants que j'ai touchés. Comme je disais la dernière fois, quand j'ai écouté le premier enseignement, je suis même pas sûre que le Seigneur te me pardonne, parce que c'est tellement. Ça fait que quand je regarde mes enfants aujourd'hui, je dis, je suis tellement alerte avec eux, je suis tout le temps en train de suivre, parce que je sais ce que j'ai vécu et je sais que je ne veux pas qu'ils revivent la même chose. Et c'est ça dans ma famille, mes cousins qui venaient. Oh, c'est trop, quoi. C'est trop. Et quand tu parlais là, j'étais en train de me demander, mais est-ce que c'est un truc qui existe depuis, même quand mes parents étaient jeunes, ou bien c'est un truc qui a commencé avec nous. J'étais en train de me dire, mais si c'est un bon esprit qui est en train de sévir dans ma famille. Et c'est mon père qui va aller avec la soeur de ma mère et je vais me rendre compte. Et mes parents se sont séparés. Je sais qu'il y a trop de choses autour, tu vois. Il y a trop de. Il y a les couches de nuit. J'avais les couches de nuit depuis très jeune. C'est seulement fini là. Il y a peut-être 4 ans comme ça, ou 5, 4 ans. J'avais des couches de nuit. Bon, maintenant, c'est de temps en temps, une fois comme ça en passant, mais c'est plus ça. C'est vraiment, je crois que. Mais tout ça, ça me mortifiait, ça me fatiguait. Tu dors, tu te réveilles, tu rencontres. Et j'avais ça en horreur, quoi. J'étais malade. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi c'est comme ça? Et donc, ça a commencé très jeune. Et. Voilà quoi, ça c'est. Donc, c'est le mot aversion qui m'a. Je ne voulais même pas parler parce que j'ai demandé pardon au Seigneur. En fait, j'ai dit Seigneur, moi je ne veux pas rester avec parce que j'ai pas envie. Je m'en fous que les gens sachent, entendent ou quoi que ce soit. Moi j'ai vraiment envie d'être délivrée. Je ne veux pas de ça et je ne veux pas que ça se répande chez mes enfants. C'est atroce, quoi. C'est laid à vivre, c'est dégueulasse, c'est honteux, c'est tout ce que ça peut être. En tout cas, ce n'est pas bon. Et quand j'écoute, je vois que tellement d'enfants sont passés par ça. Je dis, mais c'est comment est-ce que le diable a un pauvre enfant pris les familles, embobiner tout le monde dans ce processus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça s'est passé? Pourquoi les parents ne se rendent pas compte de ça? Pourquoi c'est comme ça? Et c'est une des choses aussi pour lesquelles c'est difficile de sortir pour aller travailler. Parce que je ne peux pas les laisser seuls. Parce que moi, je sais que mes parents sortaient beaucoup. Et il y a des choses donc, que s'ils étaient là, ça, peut-être qu'ils auraient au moins bloqué quelque chose, même si l'esprit était là, mais au moins empêché qu'autant de dégâts, arrivent dans la famille. Non, aujourd'hui, c'est ça. Je ne sais pas comment, quand je regarde mes tantes, mes cousins, en tout cas, à côté de ça, quand je suis allée faire mes études, c'était tel copain, tu m'énerves, je te bats, je vais avec tel, tu m'énerves, je te bats, avortement. C'était. Je ne sais même pas. J'implore la miséricorde du Seigneur, c'est tout ce que je peux dire. Je me sens bien parce que j'ai parlé. J'ai jamais vraiment dit ça à personne. Je me sens bien. C'est tout ce que je peux dire parce que je sais que je suis au milieu d'une famille. Je sais qu'il y a de la compassion et que. Vraiment, je veux encourager les sœurs à parler. Libérez-vous, mes sœurs. Tout ce qu'on veut, c'est le ciel. Tout ce qu'on veut, c'est le royaume. C'est moi. Je ne sais pas. Libérons-nous. Moi, en tout cas, je ne veux pas rater je veux pas rater le Seigneur. Et s'il faut que je dise tout, je vais tout dire. Est-ce que je voulais dire? Merci ma soeur. L'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. Vous écoutez cette émission. Je vais mon père, mon frère. Vous écoutez cette voix, vous êtes sur Bamba Iba, vous écoutez par n'importe quel moyen que ce soit. Vous voulez participer à l'enseignement, une seule façon de faire, créez votre compte Skype, vous nous envoyez à Junior 3, le Junior 3 c'est J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. 1h06 ici à Douala au Cameroun. C'est la même heure en France actuellement, 7h du moins au Canada. Vous écoutez la chaîne YouTube Bamba Iba, vous nous écoutez, c'est la femme dans la sainteté. Nous traitons des démons sexuels qui se trouvent enfouis dans nos vies, des choses cachées que nous cachions depuis l'enfance. dont le Saint-Esprit veut creuser pour en découdre avec ces choses et finir avec les choses de la honte. Le Seigneur avait prévu dans les Saintes Écritures que les ténèbres ne régneront pas toujours, que si on ne parle pas à la lumière du témoignage et selon la loi, il n'y aurait point d'aurore, il n'y aurait point d'aurore pour le peuple. Alors, vous nous écoutez donc, vous voulez participer à l'émission, une seule façon de faire, joignez-vous à nous au travers du Skype, vous envoyez votre email, vous envoyez votre Skype sur Junior, à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, ou bien par WhatsApp au plus 237 l'éducatif du Cameroun 6 75 87 41 21, le 6 75 87 41 21, ou bien le 6 94 01 94 40. Nous ferons la part belle de vous joindre à l'enseignement, mais souvenez-vous, avant de venir, écoutez très attentivement, il est question de la prédication sans compromis, la prédication qui met à nu le diable, présente Jésus-Christ comme étant le Seigneur seul qui doit régner sur le cœur. Le Saint-Esprit est venu pour soutenir l'Église, pour nettoyer l'Église et la parole, pour sanctifier l'Église afin que le Saint-Esprit puisse faire son tabernacle. C'est la raison d'être donc de la France dans la sainteté. Alors, messieurs, je vous donne un petit sujet. Quelques années, nous croyons être chrétiens. À un moment donné, nous croyons être sanctifiés. Lorsque nous avançons, nous voyons que vous comprenez que la parole est vraie, que ceux qui sont sanctifiés se sanctifient encore davantage. Et vous voyez que nous abordions un thème sur le féminin, mais le Saint-Esprit nous conduit dans une autre direction. Que la gloire lui soit rendue à jamais. À jamais. Parce qu'il veut faire son tabernacle dans son peuple. Puisse-t-il nettoyer toutes ces choses-là en nous. Puisse-t-il nettoyer toutes ces choses en nous. Maintenant, j'aimerais poser une question. Je crois que quelqu'un veut parler là depuis. Il y a quelqu'un qui m'interrompait depuis. Oui, là. C'est qui? La Sœur Gladys. Ah, la Sœur Gladys. Siri Gladys. Ok. Bonsoir et bienvenue. C'est la première fois que tu participes à la Femme dans la Sainteté. Non. Ok, tiens la parole, ma chère. Où se trouve Marceline? Marceline, Marceline. J'ai écrit un nom ici, Marceline. Elle est où? Elle est connectée ce soir. Bon, vas-y, la soeur Gladys la part. Marceline, tout court. Je vois ici Marceline devant moi ici. Qui parle là même? T'as dit toi, Marceline. Tu t'appelles Marceline aussi? Je vois écrit ici Marceline. C'est ce que j'ai écrit ici. C'est ça qui est écrit là. J'ai deux prénoms, Victoire, Marceline. Ok, donc. Je passe autre Marceline. Y a-t-il encore un autre Marceline ici dans cette soirée, dans cette assemblée de plus de 40 personnes? Donc, c'est, en tout cas, si c'est écrit ici, c'est que c'est toi. J'ai fini avec la sœur Gladys. Là, on retourne chez toi, d'accord? D'accord. Que Dieu te bénisse. Ne dors pas. D'accord. Après cela, nous allons prendre la sœur Messiba, la sœur Trabi. C'est ça. J'espère que vous n'êtes pas fatigué. Si vous êtes fatigué, on arrête pour ce soir. Vous êtes fatigué, les sœurs? Non, frère, nous ne sommes pas fatigués. Mais du côté de Viry-Châtillon, on voit les fatigues sur le visage. Elles se battent là-bas. Je vois que Dieu vous bénisse. Je vois les gens qui prennent du café, ferment les yeux, mais ne veulent pas rater ceci. Que ce Dieu vous bénisse. Non. Nous sommes là, nous sommes dans un jeûne de nettoyage. Et si le Saint-Esprit a conduit comme ça, c'est parce qu'il veut vraiment nous nettoyer. Donc, Amen. C'est une grâce. Amen. Amen. Donc, je suis désolé encore pour le retard. Ce n'était pas de ma faute. Il fallait que je parte délivrer le message de la France, du Sénégal, du Cameroun, ainsi de suite, avant de venir par ici. D'accord? Amen. Alors, la sœur Gladys, tu as la parole. Je ne sais pas si elle est en train de parler, on n'entend pas. Si la sœur Gladys, si tu es en train de parler, on ne t'entend pas. La sœur qui vient de donner son témoignage là tout à l'heure, que Dieu vraiment te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, au fur et à mesure, vous voyez que les choses arrivent dans des familles, vous ne savez pas quelles sont les causes. Au fur et à mesure, vous ne savez pas quelles sont les causes. Et puis, vous voyez, au fur et à mesure, le Saint-Esprit est en train de dénoncer ces choses pour montrer la situation. Désormais, vous pouvez savoir comment prier pour dans les familles. Vous pouvez savoir comment prier dans vos familles. La puissance du Saint-Esprit est disposée. Vous voyez cela, vous pouvez maintenant commencer à voir, vous voyez des choses dans les familles. Il y a des gens, en tout cas, si le Seigneur permet que je parle. Il y a même des gens ici dans la famille que le frère a accouché avec son sa, sa, sa, qui parle là maintenant avec son frère, et l'enfant est dans la famille, mais tout le monde connaît, mais ça se cache. La sœur ici, Gladys, lui dit nous. Oui, mon frère, est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Si tu arrêtes de bouger, peut-être ta connexion sera stable, parce que tu es en train de bouger apparemment. Du coup, il te voit sur mon écran, tu bouges. Tu es en constant mouvement là-bas, comme les électrons célibataires. Ok, je pense là, je suis... Tu es stable. Donc, oui, je suis stable. Donc, ce que je disais, c'est que je veux remercier d'abord le Seigneur, parce qu'il a dit que les œuvres des ténèbres, si la lumière vient dessus, alors ça devient lumière. Donc, j'aimerais vraiment confesser ces péchés de l'enfance, et je suis content de le faire en public, devant l'Assemblée. S'il est possible, de, donc, garder les, s'il est possible de garder les noms en aparté, tu les gardes, d'accord, ma soeur, s'il est question, d'accord? Oui, je ne vais pas citer les noms. Déjà que ça concerne plusieurs personnes, donc je ne sais pas qui c'était, qui n'est pas cité. Donc, quand j'étais toute petite, je ne sais pas à quel âge ça a commencé, mais quand je suis venue en Christ, quand je priais par rapport à ça, le Seigneur m'a rappelé une image. J'étais avec ma grand-mère, j'étais allée passer les vacances chez ma grand-mère, et un monsieur qui m'a porté. Je pourrais avoir, je fais 4 ans. Il m'a porté, il me trouvait tellement jolie, il m'embrassait, mais il a fait des accouchements bizarres. À cet âge-là, ça sonnait dans mon esprit que c'est bizarre, il y a cette image qui reste dans ma tête. Mais toujours est-il que, après ça, quand j'étais avec mes cousins et tout ça, je ressentais, on se touchait, on enlevait les habits, on faisait des trucs vraiment bizarres, vraiment. Et on savait que c'était mauvais puisqu'on se cachait. Et plus tard aussi, j'avais un voisin avec qui on faisait des accouchements. Une fois, sa mère nous a même surpris parce qu'on se touchait, après on s'est endormi. Elle est venue nous surprendre sur le lit, nous réveiller. Elle nous a fouetté et après elle nous a laissé passer, mais elle n'a pas dit à mes parents, je ne sais pas pourquoi. Ce qui fait qu'on n'a pas, je ne pense pas qu'on ait arrêté de faire ça, ça fait tellement longtemps. Et ce qui a fait que j'ai continué à avoir ces désirs-là. Donc, je l'ai fait avec mes cousins et aussi avec mon voisin. C'est ce que je me rappelle. C'est ce que je me rappelle. Donc, et quand je suis arrivée à l'âge adolescente, à partir des 13 ans, 14 ans, j'avais tellement de l'affection pour les hommes, pas tous, mais je voulais vraiment, j'avais besoin d'un partenaire. On n'avait pas de rapport sexuel, mais les accouchements. Et oui, c'est comme ça que s'est passé ma jeunesse. Et plus après, quand je commençais à être active sexuellement, j'allais d'homme en homme, je n'étais jamais satisfaite. Et les désirs, ça, je ne prenais pas plaisir à le faire. Complètement, le plaisir était quitté depuis l'enfant. Je n'avais aucun plaisir. Mais je ne disais jamais à personne, là. Je ne disais jamais à personne que je ne ressens aucun plaisir. Donc, c'est... Oui, juste à ce que maintenant je suis mariée et cette situation n'a jamais changé. Ça va changer, ne t'inquiète pas, c'est à cause de vous que c'est écrit ici comme ça, traité avec la fragilité. Je crois que c'est ce que le Saint-Esprit m'a demandé d'écrire ici. Donc on va résoudre ce cas-là, d'accord ma soeur, tu vas expérimenter ce que c'est, d'accord? Amen, amen. Tu n'es pas seul dans ce cas-là. Si chacun ouvre seulement son dossier, c'est qu'on va fermer les micros. Donc continue à parler ma soeur. Oui, il m'est même arrivé d'avorter une fois. Parce que justement, j'étais tombée enceinte avec un homme. Je ne sors pas d'un homme marié. C'est que j'avais dit que je n'allais jamais le faire. Donc, je suis tellement allée loin que j'ai commencé à bafouer mes principes de vie. Déjà, je disais quand j'étais plus jeune que j'allais coucher juste avec mon mari. Ça, je l'ai bafoué aussi. Et ma limite, c'était homme marié. Non, l'une de mes limites, ça, je l'ai bafoué. Mais quand je suis allée jusqu'au péché de l'avortement, pour moi, c'était que l'enfer. Parce que j'étais catholique, et chez les catholiques, on disait que les péchés ne sont pas droits, mais l'enfantement, là, il faut faire des certains principes rituels pour être pardonné. Donc, même le jour où je partais enlever l'enfant, je me disais, bon, c'est vrai que c'est très grave, mais j'avais entendu dire que si tu le fais, il faut que tu ailles voir où c'est l'évêque qui peut pardonner, des choses comme ça. Donc, je suis arrivée jusque-là, jusque-là. Je suis allée très loin dans vraiment la dépravation. Tout ça, quand je suis arrivée, j'ai connu le Seigneur, il me rappelait ces péchés-là, je confessais, j'ai tellement confessé. Et aussi auprès de quelques personnes, mais c'était pas un grand public comme celui-ci. Donc, vraiment, que le Seigneur brise tous les liens qui ont été tissés par cette vie impudique. Ma soeur, tu es dans quel pays? Le Canada ou bien la France? Oui, au Canada. Au Canada, ok. Ne t'inquiète pas, donc, ma soeur. Amen. J'ai prié que le cri soit bien entendu du côté du Canada. Tout cela sera résolu, d'accord? Amen. Mais ceci, le Saint-Esprit en voulant montrer, vous voyez, nous sommes un échantillon de quelques personnes ici. Et vous voyez que chaque personne sans exception est passée par là, pas vrai? Si chaque personne sans exception est passée par là, dans son plus petit âge, imaginez donc, si on prend à la grande échelle, ce qui se passe dans nos familles qu'on ne voit pas. Imaginez encore avec les câbles distributeurs dans nos différentes maisons. Ce que les enfants vont dans les vidéoclubs, ils voient. Et rentrent à la maison, vous croyez que si vous avez les enfants à la maison. Imaginez maintenant avec le multimédia, avec le téléphone Android ouvert sur Internet. Et qui dit Internet dit les ramasser de n'importe quoi. Mes soeurs, je vous pose donc la question. Quand vous comparez notre monde d'actuel avec Sodome et Gomorrhe, vous pensez que nous ne sommes pas dignes d'être brûlés par le feu et le soufre? Nous sommes dignes, frère. Vous pensez qu'est-ce que le Seigneur veut de nous maintenant? Il faut la repentance. Vous voyez, c'est pourquoi la repentance doit être prêchée. Parce que ça, ce sont des choses subtiles. Vous laissez votre enfant à une ménagère, femme de maison. Les attouchements commencent. Et remarquez ce qui vous est arrivé. La personne à qui vous faites totalement confiance, vous dites, ouf, c'est ma soeur. Il ne voit rien ce qui se passe là-bas, c'est ma soeur. Vous fuyez les gens du monde. Vous prenez votre propre soeur à la maison, c'est elle qui complique la vie à vos enfants. Menace des enfants en disant que tu sais que c'est moi qui suis avec toi quand tu n'amènes pas la non. Tente de dire, je vais te tuer. L'enfant, par peur, garde silence. Et l'enfant est traumatisé comme ça. Remarquez bien comment vous pouvez aller dans votre âge de 3 ans, prendre un événement qui s'est passé et le restituer maintenant. Regardez comment ça a été stocké, comment l'âme souffre, l'âme en subit. Il faut la restauration. Il faut absolument, absolument la restauration. Il faut que ces choses-ci soient confessées, n'est-ce pas? Il faut que ces choses soient confessées. Alors, ceci donc indique la direction que le Saint-Esprit veut que chacun de vous prie pour vos familles. Parce que ce sont des choses les plus sales de la famille ici. Remarquez très attentivement, quand la Bible déclare que Sodome et Gomorrhe avaient été détruits, c'est spécifiquement pour le péché sexuel. On ne parle pas de l'idolâtrie, on ne parle pas de quoi que ce soit, mais des choses abominables. Regardez le viol de cette femme, de cette fille de David, Tamar. On dit que c'est une abomination en Israël. Une infamie. Et il dit que la personne qui commet cela est aussi une infâme en Israël. Parce que c'est de l'abomination. La femme de la sainteté, bonsoir. Ne vous inquiétez pas, ne vous laisse pas, mais ne vous quitte pas, d'accord. Je me sens vraiment tant. C'est encore là. Depuis lundi que nous avons travaillé, cette même onction sur moi. Ça n'a pas changé, ça n'a pas varié du tout. Ça se trouve toujours là. D'accord. Donc, c'est seulement les femmes mariées avec les étudiants là que je me plains là. C'est que, comment tu vas faire demain encore? Il n'y a pas cours demain? Si, mon frère, il y a cours demain, mais bon, c'est le Seigneur qui dispose. Ok. On n'a pas le choix. Je voulais aussi, bon, en fait, entre temps, il y a des choses qui m'est. Je me suis rappelé de certaines choses que j'ai fait dans le passé par rapport à toutes ces choses-là. Mm. Donc, si je peux parler, ou sinon, si d'autres sœurs veulent parler aussi. Ce serait mieux qu'on passe la parole à quelqu'un d'autre qui veut parler depuis, d'accord? Et puis on va revenir vers toi. Parce que tu as eu ta dose, pas vrai? Tu as eu ta dose. On va continuer. Il y a qui ici sur la liste? Je vois la sœur Marceline. Non, commençons à voir. Où est la sœur Ren? Quelle liste? C'est les choses qui sont écrites là-bas. Parce qu'il y a des gens qui écrivent parce que peut-être soit elles ont des indispositions pour pouvoir parler. Et puis elles écrivent plutôt sur le forum. La sœur. Donc mes sœurs, avant que la sœur Ren lise là, vous qui avez des enfants. En tout cas, nous qui avons des enfants, prenez bien soin de vos enfants. Maintenant, je commence à vous poser des questions. Donc, vous entendez dans les enseignements. Lorsque les gens disent que la femme doit aller enseigner, sortez pour aller prêcher, et que Dieu vous a donné les vraies responsabilités à la maison, vous voyez ce qui vous est arrivé. Vous dites, vous sortez pour aller prêcher, maintenant vous laissez les enfants à la maison. Vous pensez que si les enfants se sont déjoués et envoyés dans les ténèbres, qui est responsable de cela? Vous voyez la responsabilité que vous avez de garder votre maison gardée. Encore que même quand vous gardez comme ça là, il nous faut le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous révèle les choses qui se passent dans notre foyer. Parce que vous pouvez être avec un enfant là, elle se tourne, elle va à la douche, elle se masturbe, elle rentre, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Frère, mes soeurs, on est mal barré dans cette époque-ci. Sans le Saint-Esprit, on est à tout vent. Parce que les puissants des ténèbres ont logé sur la terre. et vont encore développer encore ces lieux. Parce qu'on dit les puissants des cieux seront ébranlés. Quand ils seront ébranlés, ils vont descendre sur la terre. Ébranlés, ça veut dire qu'on va les secouer en haut. Ils vont tomber comme des crins, comme ça, comme on secoue la mangue et puis le tombe de la mangue. Ils vont tomber ici. Ils vont tomber chercher les corps. Des choses abominables seront plus commises encore davantage. Oh, il faut qu'on prenne du temps pour travailler dans ces domaines. C'est d'accord, mes soeurs. Donc prenez-y le temps. Travaillez dans ces domaines sexuels principalement. Priez dans votre famille. Priez que Dieu vous révèle ces choses dans la famille. Dieu vous révèle, vous demandez pardon pour la famille. Pardon pour la famille, afin que toutes ces choses soient restaurées. La sœur, si tu n'écoutes pas la parole, je ne sais pas si ton micro est également bon. Si c'est pas bon, si ton son n'est pas bon, la sœur qui tient, parce que la sœur qui tient est bon, son est vraiment bien là. Je ne sais pas si la sœur Marfa. Comment, ma sœur? C'est bon ou pas? Voilà, ça c'est bon. C'est bon, allons-y. Donc, il y a une sœur, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on cite les noms, mais je crois que je vais lire tout en anonymat. Donc, il y en a une qui dit: moi, j'avais failli être victime de l'inceste avec le petit frère de mon père et le mari de ma sœur quand j'avais 14 ans. Et c'est le Seigneur qui avait empêché cela et me montrait tout dans les songes et une prophétie. Donc, dans mon cas, ça serait plutôt un témoignage. Je ne sais pas si la sœur en question aimerait témoigner maintenant ou elle n'a pas précisé. Oui, ça aide de voir. Donc, si elle veut témoigner, elle le fera. Mm-hmm. Donc, il y a une autre sœur qui dit: moi aussi, mon frère, j'ai été élevée avec mes frères en pensant que c'était mes cousins, par petits cousins aussi, et ils étaient les fils de mon père qui était mort, entre parenthèses, le plus gros marabout de la ville. Bon, il y a une qui a spécifié qu'elle ne voulait pas être dénoncée. Donc, elle dit: quand j'étais plus jeune, j'ai eu à vivre ces choses-là. Cela, un oncle qui vivait chez nous m'avait fait des attouchements, mais c'était la seule fois, car ce jour, je lui ai dit que je voulais aller faire pipi et je ne suis plus revenue dans sa chambre. Donc, elle continue par la suite. Après, c'était avec des filles de mon âge, dans mon quartier, avec lesquelles on se faisait des attouchements. Après, elle continue. À l'âge de 16-17 ans, par là, c'était un cousin éloigné qui m'avait fait une fois des attouchements. Plus tard, c'était un garçon de mon quartier qui me harcelait de peur d'être violenté. Je me laissais aller dans les attouchements. Plus tard, à l'université, j'ai connu une amie qui était lesbienne, mais avec elle, rien ne s'est jamais passé. Mais je ressentais beaucoup de choses pour elle, mais par respect pour mon époux, on n'avait jamais rien fait. Une fois plus jeune, c'était avec mon cousin direct, plus jeune que moi, de 8 ans. Par là, il y a eu des attouchements. Puis la même sœur continue en disant: la nuit de lundi à mardi, après l'enseignement, j'ai fait la prière que le frère avait demandé de faire pour briser les esprits entrer dans nos vies par des relations sexuelles incestueuses. Au petit matin, au réveil, je me suis sentie comme renouvelée, comme si un corps étranger était sorti en moi cette nuit-là. Amen. Je crois que pour cette sœur, c'est tout. Elle conclut après, elle dit: tout ceci m'ayant conduit dans la masturbation et la fragilité, donc en fait plus haut, quand elle a parlé des attouchements à 16-17 ans. Donc, une autre sœur: bien aimée sœur, mon frère, alors que petite, je savais au fond de moi que je devais me garder pure et me marier vierge. Ça n'a pas été le cas. En effet, en plus des jeux de papa-maman avec mon neveu du même âge que moi, aujourd'hui décédé, j'ai également été victime d'attouchements par un domestique. Et petite, je pensais que c'était du vin de palme qui sortait de mon sexe. Puis, des années après, j'aimais regarder les animaux couchés ensemble. Que le Seigneur me pardonne, tu peux citer mon nom. Ok. Je vais revenir parce qu'il fallait que je suive un peu le fil. Donc il y a une autre sœur qui disait qu'elle a eu des attouchements avec deux fois avec le copain de sa sœur. Pardonnez-moi parce que c'est un peu voilà. Donc oui, je suis sortie deux fois avec le petit ami de ma grande sœur. Après, il y a une sœur qui aimerait bien parler. Et après, elle dit: j'ai eu encore des attouchements. La même sœur qui est sortie deux fois avec le petit ami de sa sœur, dit: j'ai eu encore des attouchements avec le grand frère à mon petit ami. Il y a une autre sœur maintenant qui dit « J'ai vécu aussi des attouchements avec des sœurs et cousines. Franchement, je ne sais comment cela a commencé, mais j'avais 7 ou 8 ans. À l'adolescence, cela a viré à la masturbation à outrance et à l'insatisfaction avec mon conjoint datant et un penchant pour des filles. Un jour, je me rends compte que tout est bloqué dans ma vie parce que les remords étaient après chaque acte. Après 5 ans d'abstinence, le Seigneur m'a fait grâce de m'envoyer ma copine. Que notre Seigneur nous aide. Il y a une soeur qui dit également, même le viol, bon, cette soeur a déjà fait son témoignage, je pense, même le viol, j'ai subi. Vraiment, franchement, que le Seigneur Jésus-Christ me pardonne. Il y a une autre qui dit, moi-même, j'ai eu des attouchements avec un de mes cousins de nombreuses fois. Quand je me retrouvais seule avec lui, il me bloquait quelque part, comme il était plus fort que moi et il se vidait. Je suis moi-même vraiment responsable car cela me plaisait et j'allumais, pardonnez l'expression. Aujourd'hui, je regrette et je demande au Seigneur d'organiser une rencontre avec ce cousin pour lui demander pardon de l'attitude que j'ai eue envers lui maintenant, aujourd'hui, que je comprends tout. Je pense que j'ai fait le tour, mon frère. Donc, cette soeur qui allumait là, elle avait les allumettes ou c'est comment? Elle faisait comment? Elle avait les briquets. Donc, elle avait les attitudes provocantes. Donc, vous voyez effectivement que dans une maison où les filles et les garçons sont mélangés, surtout encore, plus grave encore, quand vous avez des personnalités qui viennent de l'extérieur, peut-être des cousins éloignés ou de là-bas, vous voyez comment nos jeunes mamans habillent leurs enfants aujourd'hui. Elles se pavanent partout avec les culottes de haute. Et vous voyez effectivement. Et après, les gens sortent de la maison, on ne sait pas ce qui arrive. Lorsqu'on va beau crier, on va dire que habillez-vous bien, on va dire que le cougar là, il dérange. En tout cas, il va déranger, les démons vont se trouver chez vous, on va voir lequel dérange plus. Lequel dérange plus. C'est fini là, ma soeur. Quelqu'un d'autre veut encore parler? Y a-t-il encore? Il y a une soeur qui a demandé à parler. Si elle veut parler, je peux dire son nom. Hein. C'est la soeur Félicité. Ok. Dans ce cas, le temps que si les autres personnes écrivent, la soeur Félicité parle, le temps que tu regardes encore dans ton agenda, s'il y a encore des choses qui sont venues dans la boîte alors. Maintenant, il y a la. Bon, je ne sais pas si je peux donner le nom, mais je vais lire en anonymat. Parce oui, tous les ceux qui passent en sous-marin, il n'y a pas de problème. Voilà. Elle vient d'écrire. Ouais. Ça me fait aussi penser à une de mes histoires aussi avec deux de mes cousins, où on était tout petits et on pensait même se marier d'ailleurs. Elle est en train de m'écrire, je pense. Ameno. Donc, ils voulaient se marier. Il y a l'autre qui a dit tout à l'heure qu'ils ont dormi, le bras du sub-bras, parce qu'on les a surpris, c'est mal, le sommeil les a pris dans le ndolo. Satan. Alors, en écoutant ces choses, vous devez voir conformément comment on a les saines colères avec les puissants des ténèbres. Donc, il faut qu'on travaille là-dedans. Vous êtes d'accord à ce que nous continuions dans les enseignements concernant la sainteté, n'est-ce pas, les sœurs? Vous êtes d'accord? Oui. Amen, mon frère. Amen. Puisse donc le Seigneur nous y conduire. Puisse le Seigneur nous y conduire, franchement. Parce que ces choses-là, en tout cas, je suis sûr qu'il va nous surprendre encore davantage avec les enseignements. Je crois qu'il faut qu'on traite, pendant qu'on y en traite ces choses, ces problèmes de fragilité là, parce qu'il faut que ces choses, il faut qu'on regarde. Ha. Oui, la sœur, vas-y, continue. Bon, la sœur qui voulait se marier avec ses cousins là, elle dit, et il y a un autre où on a failli même coucher ensemble. Bon, après, elle dit que Dieu nous pardonne. Après, je crois que c'est plus loin. J'ai fait le tour. Si son cousin est venu demander à Marie, c'est pas ce qu'elle va faire. Alors, merci ma soeur. Le temps que d'autres écrivent encore. La soeur Félicité. Oui. C'est la soeur Claudon. En fait, c'était juste pour préciser que je ne veux pas. J'écris parce que j'ai beaucoup parlé. Oui. Mais je n'ai pas honte d'en parler. Hein. Je le dis ouvertement. C'est moi qui écris. Qui a précisé que c'était, je l'allumais, c'était moi ça, hein, mon frère. Ok, pardon, continue, tu t'allumais comment? En fait, c'est pas que j'avais un habillement sexy ou autre, c'est pas ça, c'est juste que j'étais rentrée dans le jeu et ça m'amusait, enfin, ouais, ça m'amusait, quoi, voilà. C'était excitant. Dans le jeu. Voilà, c'est ça, en fait. Quand on commence, ça devient comme un... Oui, comme une drogue, si on veut. Voilà. Il a commencé à me bloquer, me bloquait, et comme il était plus fort, je n'arrivais pas à me détacher de lui. Oui. Et il se vidait sur moi. Ok. Bon, et maintenant. Progressivement. Oui, après, tu as plus goût à ces jeux-là. Voilà, voilà, c'est et ça. Souvent, c'est toi qui, c'est toi-même qui partais l'attaquer exprès. Tu fuyais, tu pars dans une conversation qui va venir. Non, non, je me souviens pas que je faisais ça. Non, non, j'étais dans mon coin et puis c'est lui qui venait au tout début. Tu et des fois, quand je passais auprès de lui, des fois, effectivement, je faisais exprès. Mais je savais que il viendrait me voir. Je ne m'en cachais pas, en fait. Je ne le fuyais même pas. Donc, voilà, vous voyez effectivement qu'on ne doit pas jouer sur le territoire du diable, n'est-ce pas? Ouais. On ne doit pas s'amuser avec le diable. On ne doit pas s'amuser avec le diable en disant que non, sachant que Jésus-Christ veut nous sauver. Maintenant, vous êtes conscient de cela. Peut-être nous sommes dans le monde entraîné par des différentes choses. Après avoir entendu ceci, je me demande bien si on y retourne, comment on va faire pour revenir vers Jésus. Travaillons beaucoup plus dans la lumière. Avançons pleinement dans la lumière. Corps, âme et esprit. D'accord, mes sœurs? Amen. Oui, la sœur, merci beaucoup. Merci pour ton courage. Merci. Quoique désormais, je crois que le feu est éteint, non? La bougie là est mouillée. Ou bien les allumettes avec qui tu allumes, c'est bouillé. N'est-ce pas? Ah oui, ça, complètement, mon frère. Voilà. La sœur, félicité alors. Tu as la parole. Il ne la voit pas, il ne sait pas où se trouve. Vous êtes nombreux ce soir-ci. Bonsoir, je ne sais pas si mon son est très bon. C'est très bon ce soir, je ne sais pas pourquoi c'est très bon comme ça. Ok, j'aimerais un peu dénoncer les œuvres des ténèbres parce que ça a commencé depuis l'âge de, je crois, 6 ans. Et il y avait un garçon qui venait jouer avec nous à la maison. Si je me rappelle, dans mon plus lointain souvenir, je sais que je lui ai montré ma partie intime. C'est là où ça a commencé. Et là, tu avais quel âge? 6 ans, je crois. T'as, tu avais appris ça où, ma soeur? Je ne sais même pas, je n'ai jamais regardé de pornographie auparavant, rien. Wonderful. Je ne sais pas ce qu'il m'avait pris et je lui ai montré ma partie intime. Ça s'est passé. Après ça, en classe de CM1, il y avait des gens, des garçons qui envoyaient de la pornographie. Mais dans les livres, ils faisaient balader ça en classe. Mais ils cachaient ça pour que le maître ne voit pas, quoi. Donc, c'est arrivé à moi et j'ai commencé à regarder. Et quand j'ai commencé à regarder, bon, on raconte des histoires, en fait. Il y avait des images, on raconte des histoires. Et je pense que c'était là où quelque chose, une sorte comme un esprit de séduction était entré. Et là, je jouais le jeu de séduction comme une allumeuse. Je voulais... Voilà, l'attirance, en fait. Maintenant, moi, je partais à l'école. Là où je partais à l'école, je ne pouvais pas rentrer à midi à la maison. Donc, je partais avec une de mes copines de classe chez elle à la maison pour aller passer de midi jusqu'à 14h30 pour retourner à l'école. On est parti une fois, il ne s'est rien passé. On a mangé, tout et tout. Après, on est rentré. Deuxième fois, alors son papa nous a séparés. Son papa a fait dormir ma copine dans une autre chambre et moi, il m'a fait dormir dans une autre chambre. Et c'est là où il est venu se coucher à côté de moi. Quand il est venu se coucher à côté de moi, il a commencé à se déshabiller, il a commencé à me pousser, à lui faire la fellation. J'avais 12 ans. Et cet homme était marié? Cet homme n'était pas marié. Il vivait avec deux de ses enfants. Ok, ils s'étaient séparés. C'était ma copine, plus son grand frère de 22 ans. Oui. Un homme âgé alors? Un homme âgé, oui. Un homme vraiment âgé. On peut lui donner la quarantaine. Oui. Et toi, 12 ans? Et moi, j'avais 12 ans. Dans notre langage occidental, maintenant, sans parler des démons, on appelle ça quoi? C'est qui t'a fait? Bah, la pédophilie, c'est ça? Un pédophile. Il m'a violé. Voilà. Donc, c'est un pédophile. C'est un pédophile, oui. Donc, la pédophilie est pleine comme ça en Afrique, n'est-ce pas? Mais oui, ça, c'est cette copine-là, elle était métisse et ce monsieur, c'est un Libanais. Oui. Son papa, c'est un Libanais. Oui. C'est lui qui a enlevé ma virginité à l'âge de 12 ans. Et quand il a fait ça, après, il m'a donné quoi? Il m'a donné de l'argent, il me dit oui, faut rien dire, tout ça, si tu as mal, tu prends la pommade, tu mets tout et tout. Mais je ne pouvais pas cacher. Quand je suis arrivée à la maison, ça a mis 2 jours et ma grande sœur a remarqué que je marchais, ma démarche avait changé en fait. Et elle m'a appelé, elle a commencé à me poser des questions et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que je suis partie de midi à 14h30, je suis allée avec ma copine et voilà que c'est son père qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela, j'ai raconté de A à Z ce qui s'est passé. Et en ce temps-là, j'habitais chez mon grand frère qui était gendarme et il a pris ses collègues, il m'a dit est-ce que tu peux reconnaître la maison? J'ai dit oui, je peux reconnaître. On est parti en cargo. Et j'ai montré la maison, il n'était même pas à la maison, et on a trouvé sa fille, ma copine en question. On a pris ma copine, on est allé à la gendarmerie avec elle. Et donc, soi-disant que si on garde la fille, papa va se rendre. Effectivement, c'est rendu le même jour. C'est rendu le même jour, l'histoire est partie au tribunal, tout et tout. Après, je ne sais plus comment ça s'est terminé, mais moi, j'avais du dégoût, je ne voulais plus aller à l'école. C'est là où la porte était ouverte, à la dépravation sexuelle. Ça, c'est une première partie. Et là, c'était vraiment, ça allait vraiment dans tous les sens. Je ne voulais plus aller à l'école et je me haïssais. Après, j'allais même avec des filles. Et c'était tellement terrible, ça allait dans tous les sens. Jusqu'à ce que, même en grandissant, bon, j'ai connu aussi des avortements, tout ça, mais j'ai eu mon fils là, bon, j'ai un fils ici que tu connais un peu son histoire, entre guillemets, hein, il est un peu dans la drogue, tout ça. Lui, quand j'étais enceinte de lui, ma grande sœur que j'avais aidée pour venir ici en Europe, on a fait un trio ensemble avec le papa de mon fils. Donc maintenant, les causes lointaines, tu peux commencer à voir maintenant les choses qui peuvent avoir l'influence sur l'enfant, pas vrai? Avec tout ce qu'on a de voir là maintenant. Justement, je vois que déjà à la base, le nom même que j'ai pris pour donner à cet enfant, c'est en regardant la télévision que j'ai pris le prénom pour donner à cet enfant. C'est terrible. Continue ma soeur. Et déjà, je peux voir ce qui influence dans la vie de cet enfant jusqu'aujourd'hui. Donc, on a fait un trio avec le papa de mon enfant. Et voilà, après ça, je me suis vue vraiment... J'ai eu qu'un remords. Comme on disait tout à l'heure dans 2 Samuel 13, de la manière dont Amon avait eu du remords, j'ai eu vraiment l'aversion et j'ai eu du remords. J'ai haï le papa de mon enfant et je ne voulais plus aussi sentir ma soeur. J'ai chassé ma soeur de chez moi. Pourquoi? Pourquoi c'est venu comme ça subitement? Pourtant, quand vous y allez à l'intérieur, vous vous amourachiez, c'était bien, ça semble être excitant, pimpant, etc. Pourquoi subitement? Cette volte-face-là? Je me suis sentie, en fait, je me suis sentie trahie. Je me suis sentie, je ne sais pas, je me suis sentie poussée par quelque chose que je n'ai pas contrôlé et je me suis sentie comme si ils ont abusé de moi, la manipulation, en fait. Je me suis sentie comme le papa de mon enfant. Et il avait le rapport avec ma soeur depuis longtemps. Et moi, ils m'ont entraîné sur un terrain. Et moi, comme j'étais aussi déjà dans la dépravation, j'étais déjà dans des bêtises depuis longtemps. Donc, chacun a amené sa quantité de démons. Vous vous êtes partagé là-bas. Vous vous êtes partagé tout cela. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et à cause de cette cause, c'est à cause de cette raison, je n'ai plus continué avec le papa de mon enfant. Donc, du coup, ça a continué. Un papa, un enfant. Un papa, un enfant. Tu vois? Mais Dieu t'a fait grâce maintenant, n'est-ce pas, ma soeur? Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, mais j'aimerais dénoncer ces choses. J'aimerais dénoncer ces choses parce que c'est aller jusque dans les sodomies, dans le bisexuel, toutes ces choses, la cigarette, la drogue, la prostitution, chose que je faisais, fois je le faisais libéral, je le faisais aussi souvent, coup d'argent aussi. S'il y a quelqu'un qui vient de loin, c'est vraiment toi. Merci mon frère, tu as vu. S'il y a quelqu'un qui vient vraiment de loin, c'est vraiment toi. Mais je me pose la question, comment se passaient tes nuits après tes sorties nocturnes et autres là-bas? Quand tu rentrais, seul à seul, tu partais dans le toilette, tu te vois dans le miroir. Qu'est-ce qui te revenait? Bon, ce qui me revenait, c'est l'image de cette jeune enfant que j'avais et que quelqu'un a pris comme ça un après-midi. Donc cette tarte-là ne t'avait jamais quitté, n'est-ce pas? Ça n'a jamais quitté mon esprit et à un moment donné, je pense que c'est ce qui m'avait poussé à détester en même temps les hommes et en même temps, je ne pouvais pas rester avec quelqu'un. je ne pouvais pas rester avec quelqu'un. Et chaque fois, j'avais des nuits, des couches de nuit aussi. Il y avait des couches de nuit. Et chaque fois aussi, il y avait aussi, c'était mélangé aussi de la masturbation, toutes ces choses-là. Mais la masturbation, en fait, ça s'est arrêté quand j'ai commencé à suivre la saine doctrine. Là, la crainte de l'Éternel s'est emparée de moi. Et là, j'ai compris que c'était mauvais, puisque chaque fois, j'avais du remords. Et chaque fois, je sentais qu'il y avait une présence. Et donc, ça s'est arrêté. Amen. Et maintenant, le couche de nuit, ça se répétait, mais ce n'était pas tous les jours. Souvent, ça venait. Souvent aussi, ça ne venait pas. Mais là, ça fait maintenant des années où ça s'est carrément arrêté, quoi. Voilà. Mais cette sœur-là, c'est ma sœur, même père, même mère. Je pense que le papa en question, celui qui a ôté ma virginité sur jeune, il a été... Je pense aussi que la porte qui a été ouverte aussi, c'était que, comme mon père et ma mère n'ont pas, ils se sont divorcés aussi très vite, j'avais l'affection de mon père. Je voulais tout le temps, j'étais attirée du côté de mon père. Je voulais rester à côté de mon père, alors que mon père était d'une violence extrême. Il était très violent, donc il me traumatisait par ses coups violents. Il m'attachait, il me faisait des... quand il te frappe, ta peau s'arrache, tu vois. Mais jusque-là, tu allais vers lui. Donc moi, j'aimais quand même mon père, mais je fuyais aussi sa violence. Et je voulais me réfugier vers les papas un peu âgés. Et c'est ainsi que ce monsieur-là, il m'a eu et il a ôté ma virginité. Et après ça, ce qui a fait que même que je suis arrivée en Europe, j'ai même connu quelqu'un qui avait au moins 47 ans alors que j'avais l'âge de 17 ans. C'est avec cet homme-là que j'ai été et jusqu'à ce que je vienne en Europe avec lui. Je me suis même mariée, on faisait des trios, des partouzes ensemble. Et souvent, dans mon esprit, je savais que ces choses n'étaient pas bien. Je savais que ce n'était pas bien. Mais comment il fallait arrêter ces choses? Mais des fois aussi, il y avait aussi des pensées qui me venaient comme quoi ces choses ne me concernaient pas, ces choses qui sont écrites dans la Bible ne me concernaient pas. Par exemple, quand je lis ou je vois, par exemple, je tombe sur c'est abominable qu'un homme couche avec un homme. Ok. Tu traverses ça rapidement. Je traverse ça rapidement parce que la pensée me dit que ça concerne que des hommes, ça concerne pas que des femmes, puisque j'étais à fond dans mon péché, tu vois. C'est terrible. Donc moi, dans mon cas, ça m'a pas donné de ça m'a pas rendu frigide. Ce qui arrivait, ce sont des disputes, des tensions, souvent. Et après, je chasse l'homme. Je ne veux plus. C'est ce qui s'est répété. Celui-ci va rester, n'est-ce pas, pour toujours? Oui. À la grâce du Seigneur. Il sera fidèle, n'est-ce pas? Amen. Et toi, comme son nom le dit. Et toi, tu es fidèle aussi, n'est-ce pas? Fidèle, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Et voyant ces choses qui sont passées en regardant tes enfants et ta petite fille Aurélie principalement, qu'est-ce que tu penses par rapport à leur enfance et leur éducation? J'ai peur surtout, c'est pour ça que même Shana, je ne l'ai pas envoyée à la crèche. Je reste à la maison avec elle. J'ai même peur de sortir pour aller travailler. Je préfère prendre l'éducation de mes enfants en main, parce que c'est par la négligence que ma virginité a été ôtée. Donc, je ne veux pas que ça leur arrive. C'est pour ça que quand ils organisent des choses souvent à l'école, ils parlent de quoi? Nuit de pyjama. Je ne sais pas si ma soeur Suzanne, ça est aussi chez toi souvent, où ils parlent de nuit de soirée en pyjama, tout ça. Je dis que non, que ces choses-là ne passent pas avec moi. Non, ça ne passe pas. Ces soirées de pyjama, avec les enfants. Ça passe pas. Oui, ils disent à l'école que les enfants n'ont qu'à venir en pyjama, ils vont passer une nuit en soirée de pyjama, des choses comme ça. Mais moi, je n'ai jamais permis ça. Pa. Non, ma soeur, pas encore. Ça n'est pas encore arrivé, mais... Le vent souffle, mais merci, ça va arriver. Pour le Dieu. Alors... Maman Albertine a envie de parler aussi. Elle est là. Donc, elle était là aujourd'hui. Maman Albertine, on attend. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas arrivé, ne t'inquiète pas, Maman Albertine. On arrive. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit, je suis dérangé quand je regarde l'heure. Je suis dérangé. Ça me dérange de maintenir les femmes mariées debout comme ça jusqu'à 7 heures. Il y a la soeur Elena, je ne sais pas. La soeur Elena, quelle heure il est là-bas chez vous aux États-Unis? C'est Léna, elle m'entend là. Parce qu'il faut, je dois causer avec son mari. Ah, la soeur... Il est 19h46. Donc, ça ne c'est pas tard, n'est-ce pas? C'est chez nous qu'il est tard. Ok, merci. Dieu encore merci pour son indulgence. Ces cas-ci, il faut les traiter avec délicatesse. D'accord? Mais je vais revenir vers vous. Même si c'est nous qui avançons là, il est presque 2h ici. Il n'y a pas de problème. Voici ma nourriture, comment c'est vide depuis ici. Là, je peux encore manger. Donc, il faut qu'il finisse avec vous. Donc, la soeur Tra, je te pose encore une autre question. Oui. Voilà votre société. La majorité des maîtres sont des lesbiennes. La majorité des maîtres sont des PD. Et d'autres déclarent leur appartenance dans ces différents trucs-là dans les écoles. Et si on essaie de les en renvoyer, on va les appeler xénophobes ainsi de suite. Et là, on portait des procès. Nos enfants et vos enfants fréquentent dans ces écoles-là. On les confisque là à des PD. Tu confies ton enfant à un PD. Pense qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que les chrétiens sont censés faire maintenant avec ces choses, voyant ces choses comme ça. C'est vraiment une question difficile parce que nous, parfois aussi on parle de les cours à domicile aussi, mais ça aussi il faut savoir prendre ses responsabilités pour le faire correctement, sinon ça crée aussi des problèmes. Donc, en même temps, de ce côté, on est tiré aussi par l'État, les enfants sont obligés d'aller à l'école. Donc, ce que nous, ici, on fait maintenant, c'est qu'après avoir fini de manger, mon mari, Ton micro est fermé, ma soeur. Ton micro est fermé, c'est fermé. Quoi que tu as manipulé, tu as fermé le micro. Excuse-moi. Je disais que c'est une question difficile. On est tiré par l'État que les enfants sont obligés d'aller à l'école. En même temps, on nous dit que c'est possible que les enfants étudient à la maison. Mais ce côté-là, il faut aussi prendre les responsabilités pour ne pas avoir des problèmes avec l'État. Donc, du coup, la solution que nous, on a trouvée ici à la maison, c'est que chaque fois qu'on finit de manger, avant qu'on ait la prière en ligne, mon mari, il prend les enfants avec moi pour nous enseigner, pour en sorte que la parole de Dieu reste dans leur tête pour qu'ils aillent dormir avec ça. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire tous les soirs, le maximum possible. Oui. OK. Mais au-delà de cela, écoutez très attentivement. Au-delà de la parole, après avoir fait cela, il va falloir remarquer bien dans tous vos témoignages, vous êtes à 3 ans, 4 ans, 5 ans, et c'est à ces âges-là que les parents disent que non, les enfants ne comprennent rien. Pourtant, ces enfants sont plus experts même qu'eux. Quand ils vont dans la maison, là où ils ont caché les CD et les romans, ils savent exactement plus que le bandit, là où le CD et les romans porno se trouvent. Et Satan est là pour inciter, il te dit, va à tel endroit, ça se trouve à tel endroit, vous allez trouver. Et le père, lui, sait qu'à la maison, il a les saintes et tout, mon ange. Quand il dit que mon ange vient là, alors que c'est le démon qu'il est en train d'appeler. Alors, je t'en ai dit, au-delà de cela, au-delà de la parole et au-là-bas, il va falloir que vous deveniez des interlocuteurs, ou mieux encore des médiateurs par excellence de vos différents enfants. Il faut que vous cultiviez les amitiés profondes avec vos enfants, de telle enceinte que vous les parlez, que les enfants soient ouverts, que même si quelqu'un puisse les toucher dans les écoles ou n'importe quel endroit, qu'ils soient libres de venir vous parler, vous exposer cela sans crainte. C'est-à-dire qu'ils craignent plutôt les gens de l'extérieur et les gens qui pourraient leur faire ces choses-là sans vous craindre. Parce que si votre enfant a peur de vous en disant que si je dis ça, mes parents apprennent ça, ils vont me taper. Ils vont me tuer. C'est sur cela, sur cette façon-là que Satan se base pour cribler les enfants. Donc, cultivons nos enfants dans cette direction-là. Détendre, c'est que même si quelqu'un parle ces genres de choses, vous devrez leur parler de cela. Mais vous devez parler avec des langages qu'ils puissent saisir. Parce que la preuve en est que vous, à 3 ans, on vous touche, vous dites que vous touchez, vous ne savez pas ce que vous faisiez. Ça veut dire que leur esprit, souvenez-vous, l'esprit à l'intérieur, c'est le même esprit que vous avez juste depuis l'enfance. Au fur et à mesure que votre cerveau grandit, ça s'adapte seulement à cet esprit-là. Donc l'esprit capte, votre âme capte, votre corps ne supporte pas encore. C'est pour ça que les gens doivent être, certaines personnes sont émancipées à l'âge de 7 ans. Alors donc je dis ici, au-delà de la parole, au-delà de la prière, soyez des interlocuteurs, les amis, des profonds amis. Pour vous qui avez des enfants, filles, vous les mamans, parlez-leur, donnez-leur des conseils. Évitez les garçons. Si un garçon te touche, t'es violent n'importe comment, sois-en libre de me parler. Je ne te ferai rien. Même si quelqu'un va te faire. Utilisez ce langage pour mettre vos enfants en confiance vis-à-vis de vous. Pour que quelqu'un ne vienne pas leur créer le problème que si tu dis à ta maman, il va te tuer. D'accord? Je ne sais pas si vous me saisissez, mes soeurs. oui, préparer vos enfants. Là, oui. À ce propos-là, mon frère, je voulais ajouter que, à cause de tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, j'ai tissé plus de bandes d'amitié avec, Aurélie. Vous m'entendez? C'est un succès. Ok. Je tisse plus de bandes d'amitié avec elle. Et bon, d'autres diront qu'elle parle trop, mais je préfère qu'elle soit ouverte, qu'elle parle trop. Oui. Qu'elle dise tout ce qu'elle vit. Parce que je dis que si on te, tout ce qui t'arrive dehors, raconte-moi, tu vois. Raconte-moi, n'hésite pas. Et elle, elle me dit, même si c'est banal, elle me dit quand même. Donc je préfère que ça aille comme ça que de lui fermer la bouche. Donc, avec tout cela maintenant, suivez les cousins, les cousines, les tantes. Tout le monde est suspect. C'est pour cela donc, justement, qu'en criminologie, quand on prend n'importe qui, tout le monde est suspect. Tout le monde est considéré comme suspect. Lorsque les gens sont trouvés dans des scènes de crime, que vous soyez bon ou quoi, prêtre ou n'importe quoi. En tout cas, je crois que l'audit, ça m'a dit tout à l'heure que c'était le prêtre qui touchait sa cuisse dans la voiture. Elle a tapé cela. Ses ongles sont sortis, parce qu'elle a tapé la main de la du prêtre. Du prêtre. Merci ma soeur. Où est ton mari maintenant? Il faut lui demander d'écouter, de ne pas écouter la femme dans la sainteté de cette option. Il faut épuiser. Ouais. Il ne faut pas qu'il écoute la femme dans la sainteté, cette femme dans la sainteté, c'est de cette édition, d'accord? Le but de ceci, c'est pour dénoncer les puissances des ténèbres qui se trouvent en nous. Au fur et à mesure, en parlant comme ça, ces choses sont brisées. Vous sortirez libre. On est victorieux en Jésus-Christ du Seigneur. D'accord? Maintenant, la seule, la dernière chose, tu voudrais dire, quel conseil pourras-tu donner aux mamans qui t'entendent maintenant, aux jeunes mamans qui t'entendent et surtout aux jeunes personnes qui ont été violées, qui ont été victimes de viol? Comme ton cas. Oui. Quand on a été victime de viol, souvent, on a le sentiment qu'on est responsable. Souvent, c'est ce qui arrive. Que j'en suis responsable parce que j'ai essayé de l'attirer par la séduction. Bon, mais quoi qu'il en soit, un enfant, ça reste toujours un innocent. C'est pas lui qui est responsable. C'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir. Et on remarque aussi qu'elle n'a pas de force ou refuser. Donc, si tu as été, tu m'écoutes, si tu es une mère, tu as été victime de viol, ne te sens pas coupable. Et puis, souvent, quand tu veux ouvrir la bouche, il y a ce sentiment de honte qui t'envahit. Ça t'envahit et tu préfères faire taire la chose. Alors que ça y est en toi, ça te bouffe quand tu es seule. Des choses qui ce sont des pensées qui te reviennent. Ce sont des images qu'on ne peut jamais oublier. Aujourd'hui, moi, j'ai presque 43 ans, mais je n'ai pas encore oublié ces images-là. Jusqu'aujourd'hui, je me rappelle. Et j'en voulais beaucoup à ce monsieur-là, mais lorsque j'ai connu la sainte doctrine, j'ai compris qu'il faut personne, il ne faut pas retenir quelqu'un dans le cœur. Donc déjà, il faut commencer à pardonner le bourreau, celui qui vous a fait subir cela. Et puis, si tu l'as pardonné, si tu peux retrouver ses traces, il faut tout faire pour le rencontrer, pour lui dire que tu te souviens très bien de ce qui s'est passé. Ça, c'est un, ça c'est un processus pour résoudre le problème. Maintenant, il ne faut pas vouloir étouffer l'affaire en se taisant ou bien en voulant étouffer la voix intérieure. Il faut exposer les œuvres des ténèbres. Parce que moi, j'ai vécu ça pendant des années. J'ai voulu souvent en parler, mais j'ai parlé de ça avec mon mari, mais je n'ai jamais, c'est connu aussi dans la famille, mais je ne parle pas de ça comme ça. Je ne parle pas de ça comme ça parce que lorsque je veux lever le point du voile, c'est la honte. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à vouloir parler de cela, ma soeur, de façon libre comme ça? A poussé aujourd'hui à vouloir parler de ça, c'est parce que j'ai été encouragée, je ne suis pas acceptée et je ne suis pas comment on dit ça, je ne suis pas meilleure que mes soeurs qui ont exposé leur vie. Quand elles ont exposé leur vie en parlant de ça, ça m'a encouragée beaucoup. Et j'ai vu aussi que ce que moi aussi j'ai vécu, ça peut aussi édifier quelqu'un. Ça peut pousser quelqu'un aussi à ouvrir aussi, à dénoncer les œuvres des ténèbres et en être libéré. C'est pour ça que j'ai levé le point comme ça pour parler. Ce n'est qu'une petite partie. Mais j'ai commencé par dire que j'ai ciblé parce que ça fait des années que j'écoute la saine doctrine et j'ai commencé à comprendre par où ces choses sont rentrées. C'est pourquoi j'ai commencé par la petite enfance jusqu'à remonter. Donc, n'ayez pas honte, mes soeurs. Dénonçons les œuvres des ténèbres pour qu'on en soit libéré. Et puis, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous confesser les péchés les uns les autres. Et là, mon frère m'a encouragé aussi quand il a dit que oui, si quelqu'un écoute et qu'il se moque ou bien qu'il prend ta vie pour aller exposer, il va emporter les conséquences tout simplement. Voilà. Parce que tu peux vivre. Ma vie n'est pas la vie de la sœur Suzanne Claudon. Ma vie n'est pas la vie de la sœur Flora. Ça peut être que moi, mon père a abusé de moi. Mais l'autre aussi, ça peut être qu'il a couché avec son frère. Donc, mais tout ça, c'est le même niveau de péché. Exactement. On ne dit que pour moi est mieux que pour l'autre. Jamais. Chacun de nous a partagé dans la boue de Satan. D'autres ont salué plus le habit, mais tout le monde était dans la boue. Voilà. Chacun dans son wagon, ouvrons le coin du voile et dénonçons les œuvres des ténèbres pour qu'ils sortent de notre vie. Sinon, de temps en temps, ils viendront nous embêter. Voilà, c'est ce que je peux donner comme conseil. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La sœur, merci vraiment. La sœur, y a-t-il encore des gens qui ont écrit? Oui, mon frère. Oui, on peut y aller. Il y a une question. Oui. Mes parents sont cousins éloignés. Est-ce un problème, frère? Même si c'est un problème, on peut résoudre ça comment maintenant, puisque tu es déjà là. De toute façon, autre chose. Alors, il y en a une qui a témoigné hier. Elle dit, en plus de ce que j'ai raconté l'autre fois, de que le frère a coupé, j'ai eu quelques fois à faire des attouchements à l'un de mes petits cousins. Et plus tard, j'ai souvent regardé la pornographie, bien que ça me dégoûtait. Vraiment par hasard, comme ça, quand je tombais dessus, mais j'y éprouvais pas vraiment de plaisir. Et on a une qui dit, depuis l'âge de 4 ans, j'ai été violée. Bon, ma vie a été une vidéo prostitution. Je ne savais pas dire non aux hommes. Des avortements par-ci, par-là. J'ai eu des attouchements avec mon cousin. Il était dans une famille où... J'étais dans une famille où chacun couchait avec moi. Je n'avais pas du plaisir à faire tout cela. Mais je sais pas pourquoi j'ai pratiqué sur ça. Bon, que le Seigneur me pardonne, je mérite pas qu'il ait miséricorde de moi. Il y en a une autre. Moi, c'est depuis l'âge, je crois, de 8 ans ou 10 ans. C'était avec mon cousin et mes neveux. Et à 13 ans, j'ai été violée. Suite à ce viol, je suis tombée enceinte et j'ai avorté. Et après, je ne pouvais plus dire non aux hommes. Jusqu'à l'âge de 17 ans que j'ai rencontré mon mari. Malgré que je sois dans un foyer, je trompais mon mari avec plusieurs hommes. Et une fois que je me souviens, j'avais une amie. J'ai fait la proposition à mon mari de le faire à trois, mais on n'était jamais passé à l'acte. En 2015, je suis arrivée en France. J'ai accouché de mon fils. 6 mois après, j'ai fait la connaissance de quelqu'un. J'ai continué la même vie de débauche que je faisais au Cameroun. Je suis à ce désordre, puis je suis tombée enceinte de lui et j'ai accouché de ma fille. Mon mari m'a quittée et j'ai eu à faire plusieurs avortements, même ici en France. Vraiment, j'ai honte de tout ça, que Dieu me pardonne. Vraiment, oh mon Dieu. Donc, je vais citer celle-ci, la sœur Suzanne Claudon, qui reprécise que, par ailleurs, moi-même, j'avais fait la prière la nuit de lundi à mardi et la repentance. Le lendemain matin, quand j'ai vu mon mari, j'ai été poussée à lui raconter mon histoire, car il n'en savait rien. Et cela m'a soulagée. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour cela, car je me sens légère et contente de ce que m'a donné de dénoncer les œuvres des ténèbres. Gloire lui soit rendue. Amen. Donc, en autre, il y a celle qui parlait des attouchements et la façon de témoigner, bref. Aussi, j'ai eu plusieurs petits copains. J'avais vraiment ma conception des relations. J'ai fait qu'avec eux et je suis jamais allée plus loin que des attouchements. Il y a une soeur qui me précise que j'ai pas tout lu. Oui, bon, ma soeur, j'ai pas tout lu parce que le frère a coupé que, parce que c'est la soeur qui demande si mes parents sont cousins éloignés. Est-ce un problème? Mes grands-parents leur avaient donné l'autorisation de se marier. Est-ce l'origine de l'inceste? C'est qui ça? Question, mon frère. Je peux citer ma soeur? Je sais pas. Je sais. Parce qu'elle a fait son témoignage en anonymat, donc je ne veux pas. Ok. En tout cas, on va traiter ce cas-là. Je me pose la question. Mais à supposer, par exemple, que c'est. Vous entendez que votre mari a des enfants, il a eu à séquestrer, violer vos enfants. votre enfant vient vous confesser que c'est le mari. Supposons que peut-être que c'est peut-être le, vous avez des enfants avant de vous rencontrer votre mari, puis votre mari porte plainte, enfin, prend votre enfant et viole les enfants pendant des années, et même fait que votre enfant tombe enceinte. Vous feriez quoi, vous, les femmes là? La soeur Bettine, là, je viens à toi. Mais attends, d'abord, avant de toucher ce cas-ci, Marceline, elle est là. Oui, frère, je suis là, si c'est Marceline, dis-toi. Et la personne qui j'ai parlé plus de Marceline. J'ai vu, la façon que j'ai dessiné ici, je ne sais pas si vous parvenez à voir sur ma feuille là, Marceline dans un cercle avec ses chaussures tout autour. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous parvenez à voir, non? Non, vraiment, je ne te vois même pas sur mon écran. Ok. En tout cas, c'est ton écran comme le mien. En tout cas, voilà, je ne sais pas qui voit ce que j'ai dessiné là. Oui, je vois, mon frère. Avec quelle couleur? Vert. Qu'est-ce que tu peux dessiner? Pour ceux qui sont en écouter, là, nous écoutent, qu'est-ce que tu remarques? Je vois Marceline avec un cercle et avec des quatre traits autour, en fait, à chaque fois. Trois groupes de quatre traits. Voilà, tout autour. Voilà. Alors, Marceline, tu as vu, n'est-ce pas? Tu as vu également ça? Non, frère, moi, je ne te vois pas sur mon écran. Moi également. Donc, ce n'est que partie remise. Mais Dieu merci que la soeur Annie voit. On a fait une capture d'écran. Voilà, comme ça, si vous avez fait capture d'écran, la personne peut voir. Vous pouvez agrandir cela et vous voyez, n'est-ce pas? Ok, là, je vois la capture d'écran. Oui. Ça, ce sont des pleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des pleurs, des cris. Donc, ça, ce sont des lamentations. Donc, tout autour, c'est les lamentations. C'est ce que écrit là signifie. Est-ce qu'elle peut parler ce soir? Des pleurs. Elle m'entend? Oui, frère, je suis là. Je suis à ton service. Pourquoi il y a des lamentations? Les pleurs, c'est à quel sujet? Parce qu'à l'une des occasions ici, je vois l'autre qui est isolé. Je vois l'un des traits un peu plus en bas isolé. C'est comme si quelqu'un se trouve dans une toilette et cette personne s'en est de pleurnicher. Pourquoi? Ça, c'est la toilette. Je parle de toilette ici. La personne s'est enfermée dans une toilette en train de pleurnicher. De toute façon, moi, je pleure tout le temps hein, parce que j'ai eu à commettre des bêtises comme tout à l'heure. J'ai témoigné là en anonymat. J'étais au camp. Comment? Je ne sais pas par où commencer. 2h04 à Yaoundé, c'est la même heure en Guelemoduka et exactement à Batibo, là où les crépitements des balles font rage maintenant. Alors que nous sommes en train de crépiter comme ça, les balles également dans le camp d'ennemi ici sur la femme dans la sainteté. Vous nous écoutez une fois de plus, je rappelle à tous ceux qui veulent se joindre dans le forum. Envoyez tout simplement. Je ne sais pas si, quoi que, comme on a duré là où les gens sont en train de dormir, comme les écrans ne montrent pas, certaines personnes profitent pour dormir. Envoyez tout simplement votre contact. Derrière les enseignements se trouvent dans les contacts que le frère Iba publie. Que Dieu bénisse le frère Iba avec toute sa famille par rapport à tout ce qu'il fait. La soeur Abettine, prends ton mal en patience. Je suis en train de vouloir parler de cette soeur, c'est parce qu'il y a quelque chose dans le. Il y a l'isolement. Ce qui se trouve dans ce que j'ai écrit ici. Il y a l'isolement, les pleurs principalement dans les toilettes. C'est dans les toilettes qui c'est. Parmi les pleurs là, c'est les pleurs de toilettes qui m'intéressent. Pourquoi les pleurs dans les toilettes? Pourquoi se cacher dans les toilettes pour pleurer? Dans la toilette particulièrement? Pleurer dans les toilettes, peut-être que dernièrement là, comme j'ai perdu ma cousine, il m'arrivait souvent d'aller aux toilettes, de pleurer, mal à la douche. Quand j'ai la douche, je pense à elle, je pleure. Et je pleure aussi beaucoup par rapport à ma situation parce que. J'étais avec mon mari, on était ensemble et suite à ma bêtise que j'ai faite, puisque je suis tombée enceinte d'un autre homme, malgré ma vie de débauche que je menais avant, il a eu à me pardonner certaines choses. Et cette bêtise que j'ai faite, c'est ça qui a fait en sorte qu'il dise non, qu'il me quitte et ça me fait vraiment beaucoup souffrir intérieurement. Donc déjà, suite à cela, j'ai perdu ma paix, je pleure tous les jours. Donc mon âme n'est pas en paix, mon âme pleure tout le temps, je suis en pleurs. Je vois mon fils qui est malade, il a la drépanocytose, je le vois souffrir, ça me fait pleurer. Je dis, c'est à cause de moi que tout cela arrive, que mon fils, j'ai privé à mon fils de l'amour de son père, que son père soit près de lui. Donc vraiment, je pleure beaucoup, beaucoup. À Sœur Marceline. Tu ne peux pas voir que mes pleurs, mais c'est mon âme. Mais donc quand on te voit, on peut voir peut-être que tu es jovial, mais à l'intérieur tu souffres. Oui, à l'intérieur je souffre. Donc tu remarques effectivement, si tu remarques bien, tu te trouves effectivement que cette Marceline est dans un cercle, n'est-ce pas? Et autour de ce cercle se trouvent dans les lamentations. Il y a des gens qui sont notés partout là, notés partout là. Je ne vous montre pas tout. Vous êtes trop fort pour faire les captures d'écran. Alors, la Sœur Marceline. Non, frère. En supposant que la lumière de Dieu descende, tu crois que Jésus est fidèle, qu'il peut faire des choses et même restaurer, là, même restaurer là où on pensait que c'était impossible quasiment? Oui, je crois, mon frère. Quand Dieu dit quelque chose, personne ne peut être contre. Amen, mon frère. La restauration, je crois que Jésus est fidèle, d'accord? Amen, mon frère. On arrive. Prenons une respiration, on arrive à tout à l'heure. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, wow, wow, wow. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. La femme dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Bonsoir, Frère Junior. Je vous aime. C'est moi aussi, mon frère. La sœur Marceline. C'est Marceline. Le Seigneur essuiera tes larmes, d'accord? Amen, mon frère. Il est en train de travailler dans ton cœur. Et le niveau où ton cœur est arrivé, il a vraiment beaucoup restauré parce que. Avec ce que je suis en train de voir ici, ça peut faire de telle en sorte que tu arrives à un moment donné où tu vas commencer à penser à te suicider. Ça c'est à cela que ça va conduire. Si ce n'est pas le Seigneur qui intervient, c'est que tu te laisseras la suicider. Mm-hmm. Comment, ma soeur? Amen, mon frère. Que le Seigneur qui guérit le cœur guérisse ton cœur, d'accord? Amen, mon frère. Il y aura la restauration. Amen. Il y aura la restauration. Amen. Il y aura la restauration. Il y aura la restauration. Il y aura la restauration. D'accord? Il y aura la restauration. Le Seigneur te restaurera. Tout ce qu'il veut, c'est ta sincérité. Tout ce qu'il veut, c'est ta sincérité. Que tu sois ouverte, propre et claire. Et tu le laisses agir. Amen. D'accord? Amen. Cette prière si que tu as faite en disant que Seigneur, tu ne peux rien, que je vais toujours tomber. Parce qu'une pensée t'est venue en disant que tu ne peux pas arriver avec le Seigneur. C'est Satan qui t'a donné cette pensée-là. Le Seigneur t'aime et il te tend la main. Il te tient toujours la main, d'accord? Satan est venu te dire dans ton esprit, tu es en train de prier, que Satan est venu te donner la suggestion en disant que tu penses que tu peux arriver. Regarde tout ce que tu as fait, il t'a montré tes sales vies. Et là, tu vas penser que tu ne peux pas arriver. Jésus dit que ce n'est pas sa pensée là-bas, ce n'est pas lui qui te pense. Lui ne pense pas comme ça. Lui, la pensée qu'il a envers toi, il est amour. D'accord? Il t'aime. Il y aura la restauration. Donc, tout ce que le diable fait, c'est le mensonge. D'accord? Ne te concentre pas sur cette pensée là. Ça, c'est une pensée diabolique. Pourtant, tu es dans la prière et Satan te donne cette pensée là. D'accord? Tu vas y arriver. D'accord? Tu vas y arriver. Voilà. Tu vas y arriver. Il y aura la restauration. Il y aura la restauration. Restauration. Dieu va te surprendre. Et ici même, dans cette chaîne-ci, tu vas devenir témoigner. D'accord? Amen. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus ne nous regarde pas du haut et nous regarde avec nos péchés, parce qu'il sait effectivement comment nous tombons dans le péché. Il connaît comment nous sommes faibles. Il sait comment nous sommes faibles. S'il arrive qu'il nous laisse chacun de nous là-bas, personne ne s'en sortira. Dans le cas de la sœur Marceline, c'est le cas d'une vie brisée. Une vie brisée par des trahisons. À l'intérieur de l'âme, c'est des trahisons, des saletés. Des choses que quand tu regardes, ce n'est que les pleurs. Il y a de quoi pleurer franchement. Parce que quand tu regardes, tu ne te vois pas. Tu ne te trouves pas normalement que ce n'est pas moi qui te suis censé commettre de telles choses. Mais le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il ne te regarde pas dans le péché. D'accord, ma chère? Non, mon frère. La Bible déclare que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Le Seigneur agira avec toi, d'accord? Il y a la soeur Elena qui dit que son chef dit qu'il a rendez-vous à 21h. À 21h. Donc, la femme dans la sainteté s'arrête alors ici, n'est-ce pas? On continue quand alors? Lundi prochain, n'est-ce pas, mes soeurs? D'accord. Maman Abertine, on va y revenir. Donc, ça veut dire qu'il y a une quatrième partie de cet enseignement, c'est d'accord? On n'en a pas terminé. D'accord, mes soeurs? Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ok, donc lundi prochain, tu vas voir qu'on va vraiment parler de cela. Editha Belle, dans l'Esprit de Dieu, est là. Elle s'appelle Editha Belle. Vous pouvez trouver cette chanson si vous en voulez. Je vais vous poster là si vous en désirez. Je parle des chansons qui jouent en fond sonore là, que vous entendez là. On s'avoue cela en sortant d'ici. La femme dans la sainteté, que Dieu vous bénisse pour cette soirée. Pour vous, les femmes mariées, occupez-vous de vos maris. Je demande encore pardon pour vous, chacune de vos maris. Restez dans la prière, surtout cette prière-là, que Dieu, tout esprit impur qui soit entré par des rapports sexuels incestueux ou des rapports sexuels impurs, qu'il sorte de vos vies, quel que soit le domaine, non seulement de vos vies, mais dans vos familles. L'Esprit de Dieu, effectivement, là pour vous aider. Alors les saintes femmes, que le Seigneur vous protège durant ce moment, si continuez bien dans le jeûne, que Dieu vous bénisse, qu'il se veille sur vous, qu'il se révèle à vous, à chacune de vous, afin que vous nous reveniez encore la prochaine fois avec des grands témoignages de sa part. Croyez-moi, croyez au moins la Bible, il vous aime et il nous aime. Il ne nous regarde pas selon le péché. Tout ce que nous allons dénoncer ce soir, c'est uniquement pour montrer au diable que nous n'avons pas honte de dénoncer ses œuvres. Le Seigneur vous aime. Patientez simplement dans sa présence, sous sa présence, devant son trône. Il va vous visiter. Allons, revenez-nous à nous le témoignage. Ne regardez plus jamais vos vies par rapport à tout ce que vous avez vu à dénoncer, à vivre. Regardez la miséricorde et la grâce de notre Seigneur Jésus. Parce que son esprit est là, justement, pour nous conduire vers lui. Que le nom du Seigneur Jésus soit à jamais glorifié. Et puisse le Saint-Esprit œuvrer dans chacune des vies, restaurer les âmes, restaurer les vies, pour amener au trône de la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à bientôt pour la quatrième partie. Amen. L'Esprit de Dieu est là.